Bonjour Bulle de Rêve, donc l'émission 100% cinéma d'animation présent. Merci Nicolas, bien sûr, comme d'habitude, vers la console pour nous permettre de vous parler sur Radio Libertaire, l'émission 100% cinéma d'animation. Je voulais vous parler en intro, avant de vous présenter notre invité, quelque chose j'en parlais avec quelqu'un que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Francis Gavel, je cite son nom, qui n'est pas là, qui, je lui dis si vous voulez passer, il pouvait, mais il prépare, il est en émission la semaine prochaine. On parlait hier, il y a quelque chose dans le monde de l'animation, il y a la sélection d'Annecy et d'AnimaFest, donc qui sont les deux gros festivals d'animation du monde, on va dire, donc qui était ce fameux moment où l'Est et l'Ouest, hein, d'un côté, donc Annecy d'un côté, avait lieu une année, c'était un Père, je crois, et Père, c'était Zagreb, et puis voilà, c'était comme ça que ça se passait. Et en fait, c'est assez rigolo, c'est que normalement, à chaque fois que vous avez une sélection à Cannes, Venise, une grosse sélection, beaucoup de gens en parlent. Et c'est vrai que là, dans le monde de l'anime, quand une sélection arrive comme celle d'Annecy, en fait, on n'en parle pas. Pourtant, on râle. On dit, oh, pourquoi tel film ou pourquoi pas tel film, ce qui est complètement normal, et comme toute personne qui a fait une sélection, elle est forcément aussi un peu subjective. Et on disait qu'en fait, on était vraiment dans un monde fermé. Et en fait, un monde qui se questionnait assez peu, finalement, aussi sur lui-même, finalement. Alors ça donne des côtés sympas, c'est une petite famille, on en parlera tout à l'heure, peut-être avec l'invité justement, il y a un côté petite famille, puis comme dans tout, peut-être que ça manque aussi cette idée de dire, oh ben, t'as vu tel, le film d'un tel n'est pas là, par exemple à Annecy, il y a une grande réalisatrice qui manque à l'appel, qui est Marta Payek, réalisatrice qui a été un peu partout, qui a fait, voilà, qui finit sa trilogie, qui est pas, et les gens d'Annecy ont sûrement des raisons de ne pas mettre Marta Payek, hein, y a pas du tout là, l'idée de se dire, mais c'est vrai que d'un seul coup, si le dernier Wong Kar-wai n'était pas à Cannes, par exemple, ou était Cannes, évidemment, tout le monde en parlerait, ou Daniel Almodovar, le dernier Almodovar, pourquoi il n'est pas à Cannes et tout. C'est vrai qu'on n'en parle pas, et on se disait qu'il y avait peut-être aussi l'idée de cette espèce de peur de critiquer et de se dire qu'on ne sait jamais. Alors normalement, pourtant, on a autour du micro, vous le savez, au moins une personne qui n'a pas peur de critiquer, qui s'est déjà attiré les foudres d'Annecy et d'autres festivals, Nicolas Tis, qui est là et qui, lui, n'hésite pas normalement à dire ce qu'il pense des films d'ouverture et ce genre de choses. Mais bonjour Nicolas. Mais c'est vrai que là, on n'a pas, voilà, on a en tout cas cette réflexion de se dire qu'on pourrait peut-être, voilà, peut-être encore une fois critiquer, pas forcément pour être méchant, mais critiquer pour dire un petit peu, voilà, bah tiens, c'est dommage qu'un tel n'y soit pas, une telle y est, etc. C'est difficile parce qu'en plus, voilà, des fois c'est des premiers films, c'est des choses comme ça. Donc voilà, c'était un peu un petit questionnement en tout cas qu'il y avait là-dessus. On va passer de suite. On a la chance et le plaisir de recevoir Jérémy Clapin. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, vous l'avez déjà entendu énormément, enfin au moins deux fois ici dans mon souvenir. Une première fois pour son court-métrage Une histoire vertébrale, et ensuite il est venu pour Palmier Pedarium où il avait parlé notamment de son second Skizen. Et vous le connaissez normalement, il a réalisé J'ai perdu mon corps, des clips, des pubs. C'est chouette qu'il soit avec nous maintenant, normalement. Il est interviewé par des grosses radios, par Variety aux États-Unis, etc. Donc merci Jérémy de venir nous revoir. C'est un plaisir. Radio Libertaire. Avec lui, on va parler, avec Jérémy, on va parler de ce qui. Voilà, de J'ai perdu mon corps et du futur aussi. Mais c'est intéressant, justement, deux ans après, de parler d'un film comme ça et de voir un petit peu. Ben, voilà, où les leçons, les plaisirs qu'on en retient. Et voilà, donc on est ravis de l'avoir. Je voulais juste vous dire un petit mot. Je vais d'abord dire bonjour donc à Nicolas Tis, qui a déjà dit bonjour. Bonjour. Pascal Le Duve, bonjour. Bonjour. Antoine Bieber, bonjour. Et enfin, un bisou à Marie-Pauline Mollaret, qui est en plein sélection, justement, d'Annecy étudiant, et puis de la semaine de la critique pour le court-métrage. Donc, courage, Marie-Pauline, tu vas arriver. Et puis, voilà. Je voulais dire un petit mot quand même, parce qu'évidemment, le monde de l'anime n'est pas en reste par rapport à ce qui se passe en ce moment même, par rapport, évidemment, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le monde, évidemment, de l'animation est consterné, comme tout le monde, par rapport à ce qui se passe. Et en plus, c'est un monde, les deux, évidemment, l'Ukraine et la Russie sont aussi très importants au niveau du monde de l'animation, de l'art de l'animation. De nombreux auteurs russes d'origine ukrainienne, qu'on découvre d'ailleurs, est d'origine ukrainienne, hein, tellement il y a des mélanges, et des liens, bien sûr, très forts, hein, qu'il y a entre ces deux pays. Alors, il y a une chaîne YouTube qui s'est créée, Animators Against War, où de nombreux artistes donc, s'expriment voilà, contre cette guerre. Il y a aussi de nombreux artistes ukrainiens qui, évidemment, ont plus de difficultés aujourd'hui à à s'exprimer par l'animation, mais s'exprime quand même, notamment Nikita Lichkov, qui avait fait un film Deep Love, très intéressant, qui a d'ailleurs été beaucoup ressorti, qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que c'est évidemment quelqu'un qui critiquait beaucoup son pays, et notamment le président du pays, parce que voilà, tout n'était pas parfait, loin de là, mais bien sûr, par rapport à son invasion, là, il n'y a même pas de doute possible, et donc voilà, donc il a mis ça en place, des pétitions, dont une signée par des grands auteurs, autrices de l'animation, pour dire à quel point cette guerre est terrible, et montrer aussi les liens, comme je vous disais, qui unissent ces deux peuples frères, même si évidemment chacun avec leur identité propre, Nordstein, Garibardine, la plupart des grands animateurs, animatrices ont signé pour dire que cette guerre était scandaleuse et qu'il fallait évidemment l'arrêter. Quand ce genre de choses arrivent, il y a une chanson moi, qui me revient toujours en tête, c'est la première chanson qu'on va entendre, c'est une chanson de Brassens, elle me revient toujours à l'esprit quand je pense à ça, elle fera écho avec une autre chanson qu'a nous a proposé Jérémy un petit peu plus tard. On s'est pas concerté, non, c'était vraiment, mais comme quoi, l'actualité fait que elle me revient toujours à l'esprit, l'un de ces petits bonhommes de pouvoir décide de nous pourrir la vie comme le fait actuellement Poutine. Faut savoir que même si on parle aujourd'hui beaucoup de ça, puisque c'est proche de nous, il y a aujourd'hui dans le monde encore une cinquantaine de guerres, de conflits entre pays opposés ou internes. Donc malheureusement, même si aujourd'hui évidemment c'est l'Ukraine qui est aujourd'hui au centre des préoccupations, savoir qu'en Syrie ça continue toujours, en Afghanistan évidemment et dans plein de pays, aujourd'hui la guerre continue. Et donc on écoute Le Roi par Georges Brassens et on revient juste après. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Sur du sable, sa dynastie. Sur du sable, sa dynastie. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Il peut dormir ce souverain. Il peut dormir ce souverain. Sur ses deux oreilles sereines. Sur ses deux oreilles sereines. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Je tue il est le nouveau île. Je tue il est le nouveau île. Le monde le suit docile. Tout le monde le suit docile. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Il est possible au demeurant. Il est possible au demeurant. Qu'on déloge le chat d'Iran. Qu'on déloge le chat d'Iran. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Qu'un jour on dise c'est fini. Qu'un jour on dise c'est fini. Ô petit roi de Jordanie. Ô petit roi de Jordanie. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Qu'en Abyssinie on récuse. Qu'en Abyssinie on récuse. Le roi des rois, le bon Négus. Le roi des rois, le bon Négus. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Que sur un air de fandango. Que sur un air de fandango. On congédie le vieux Franco. On congédie le vieux Franco. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Que la couronne d'Angleterre. Que la couronne d'Angleterre. Ce soir demain roule par terre. Ce soir demain roule par terre. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. ça s'est vu dans le passé. Que ça s'est vu dans le passé. Marianne, sois renversée. Marianne, sois renversée. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. De Bulle de Rêve. Pardon, on parle évidemment, comme vous savez, hein, c'était pas un petit peu. J'ai oublié de désannoncer le générique aussi du départ. Alors, vous avez entendu évidemment la super musique de Dan Levy pour J'ai perdu mon corps juste après Brassens. On peut en parler de suite. Et le début, c'était Dark Pandemonium Carnival de James Horner, qui est tiré d'un film de 1983. Je vous parlais d'un des films importants pour moi qui était Rusty James, Rumblefish de Coppola. Mais enfin, je pense que c'est peut-être l'un des premiers films dont je me souviens réellement, qui est donc Something Wicked This Way Comes. Donc La Foire des Ténèbres en français, adapté de Ray Bradbury, avec un Jonathan Pryce absolument incroyable en Mr. Dark. Et le film est donc quelque chose de... La Foire des Ténèbres, c'est sympa, mais le titre évidemment anglais est plus fort, quelque chose de diabolique vient vers nous, ce qui peut évidemment être aller aussi avec toujours l'actualité, quelle qu'elle soit de toute façon. Le film est superbe puisque ça parle aussi d'un homme qui vient dans une ville et qui va exaucer tous les regrets des adultes, mais évidemment... C'est jamais sans conséquence, donc voilà, superbe film. Je voulais aussi commencer pour ça d'abord parce que vous avez une très belle musique aussi alternative de Delru qui n'a jamais été utilisée. On a parlé de Delru la dernière fois, mais voilà, très belle musique. Et parce que je sais que Jérémy, toi, le cinéma fantastique, alors peut-être pas forcément ce film-là, hein, mais le cinéma fantastique, tu l'as beaucoup cité pour J'ai perdu mon corps. Souvent, une prise de vue continue, tu as cité Alien, tu as cité. Ouais, Cronenberg, hein. Tout ça. Ouais. C'est un cinéma qui fait partie de mon enfance, voilà, des premières frayeurs, on aime se faire peur et voilà, donc c'est des réalisateurs que j'ai suivis. Enfin, j'ai beaucoup aimé La Mouche, c'est un film qui m'a fait très peur, mais déjà dans sa version noir et blanc, c'est un film qui m'avait terrorisé. Et je crois que j'aime bien me faire peur, et j'ai revu la version ensuite, merde, je ne me rappelle plus, je suis incapable de dire le réaliseur de La Mouche. Le premier ou deux secondes? Le deuxième. Cronenberg. Ouais. Parce que le premier, j'essaie de me souvenir, Zagonou, mais j'ai pas trouvé une erreur. Et donc tout ce cinéma-là m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait de l'animation, en fait. finalement, en réfléchissant là tout de suite, là, comme ça. Ouais. Parce que c'est le cinéma qui m'intéressait. Je pense que si j'avais été plus frontal, j'aurais directement fait du cinéma de genre. Mais je sais pas, je passais par des chemins un peu détournés. L'animation, après, évidemment, qui me passionne beaucoup, mais au début, c'est vraiment le cinéma de genre, les Sam Raimi, les films comme ça qui me plaisaient. C'est rigolo parce que tes cours sont pas forcément du cinéma de genre. On a des gens décalés, on va dire, mais je fais pas forcément les films que j'ai envie de voir. Ouais. Voilà. C'est vrai que je trouve ça, le cinéma de genre à fabriquer, finalement, c'est peut-être moins intéressant, en tout cas pour moi. Je trouve moins d'intérêt à le fabriquer qu'à le voir en tant que spectateur. Parce qu'en le fabriquant, on est dans des du, bon, un peu, il y a un petit côté parc d'attractions. On essaie de diriger les émotions du spectateur. Donc il y a un petit côté spectacle et tout ça qui me passionne moins dans la dans le processus de fabrication. Voilà, d'être derrière la machine, ça me passionne moins. Puis on est forcément moins pas parce qu'on sait comment les choses sont faites. Donc peut-être que... oui, on vit pas le film de la même manière. Voilà, j'ai moins envie d'avoir les mains dedans en tant que fabricant que d'avoir les yeux dedans en tant que spectateur. J'ai perdu mon corps, c'était quand même l'idée de faire un film. Toujours demain, t'as vu ? Ah oui. Mais on sait que ça va revenir. Faut m'interdire de faire ça. Non, on sait bien. J'ai perdu mon corps, c'était aussi cette envie de faire du cinéma de genre, justement, de rentrer. On a deux choses qui vont être dans ton cinéma. La personne qui est décalée, encore une fois, on l'a dans l'histoire vertébrale, on l'a dans Schizen, évidemment, mais aussi dans Polypépédarium, bien sûr. Donc on a ça, mais là, d'un seul coup, avec un vrai. Vraie envie de cinéma de genre, quoi. Avec J'ai perdu mon corps, ouais. Bah, disons, c'est un film qui légitimait le mélange des genres, c'est-à-dire fallait aller à fond dans ce. Pour un réalisateur, c'est un vrai terrain de jeu parce que cette histoire de main, évidemment, le sujet du film, c'est une main coupée, mais le film parle de la partie manquante de la main. Mais quand on est avec cette main et quand on la suit à travers la ville, forcément, on convoque tout un tas de on doit amener du l'homme le plus petit du monde, enfin, l'homme qui rétrécit, de Jack, je sais pas quoi, Jack Arnold. Jack Arnold, merci beaucoup, Nicolas. Je le dis sur la corde. Voilà, donc forcément ça convoque tout ça, donc ça fait appel à du cinéma de genre. Il faut être dans quelque chose de très brut, très rapide, et en même temps le film doit être capable aussi de naviguer dans un côté plus existentiel, avec aussi une trajectoire plus romantique. Donc c'est un film qui invitait ce mélange des genres, et qui est souvent le mélange des genres, c'est un peu raté quand on essaie de faire un film pour se faire plaisir en essayant de faire un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Si le concept en lui-même ne justifie pas ça, c'est souvent raté. Mais là, j'avais la chance d'avoir un concept qui invitait vraiment à s'amuser là-dedans. Donc pour un réalisateur, c'était assez jouissif. Voilà, quand on en avait marre de faire du genre, ben, je pouvais passer à la scène romantique. Et l'ensemble du film devait être ce maelstrom de différents genres. On s'inquiète à un moment donné de se dire ça va pas marcher. Est-ce qu'à un moment donné où tu te dis ce mélange, il aurait mieux fallu que je reste ou dans un autre, ou non, tu t'y crois pendant... Je me suis... Non, franchement, non. J'étais persuadé que ça marchait. Alors, bien sûr, on tente des choses à l'étape de l'écriture et même de l'animatique. On voit que ça marche pas, on voit que le rythme, on décroche. Donc, ensuite, on doit à nouveau resserrer les vis et essayer de faire confiance plutôt à la trajectoire, une trajectoire plus globale d'émotions qui doit être tenue sur tout le film. Et c'est éviter de fragmenter trop le film dans ces genres-là. Donc il faut toujours trouver des portes d'entrée, des portes de sortie dans une émotion qui puisse permettre de naviguer et, sur une ligne qui, voilà, qui soit pas tout le temps en rupture dans le film. Dans ce cas-là, on se fait confiance ou on a le... C'est que Miyazaki a souvent son chronomètre, enfin, voilà, souvent cette espèce de réfléchir sur le timing, évidemment, d'une séquence. Est-ce qu'il y a ça, toi, disant alors là, je vais être trop dans l'horreur, ou tiens, là, je vais être trop dans le romantisme, ou non, ça venait un peu du bide? Non, j'avais pas de chronomètre. Non, j'avais une structure en tête qui devait poser, voilà, qui était quand même assez logique dedans, même si c'était fragmenté. Je savais que le début du film devait. On découvrait un personnage qui est cette main. Et on devait la découvrir de la manière la plus frontale possible, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté à survivre. La ville, c'est un milieu hostile pour elle, donc il fallait raconter d'abord cette hostilité, ce côté challenge pour elle de survivre, juste de bouger. Pour elle, c'est pas compliqué, c'est assez compliqué de pas se faire repérer. Fallait raconter d'abord qu'elle était une proie pour n'importe qui, pour un pigeon, pour un rat, pour... Donc une fois que une fois que cette étape était posée, bien sûr, le film, ça n'allait pas être un parcours d'obstacles juste d'une main. Donc, il y avait quelque chose d'autre qui se dessinait et sa quête se révélait un peu. Une fois que l'urgence de sortir du mauvais pas, voilà, elle pouvait reprendre un peu son destin en main. Enfin, le deuxième. Et donc, ça pouvait ouvrir sur autre chose. Et finalement, c'était plus la structure dramatique du film qui décidait, qui justifiait, voilà, l'utilisation de tel ou tel genre à un moment donné, quoi. Et est-ce que justement des films comme L'homme qui rétrécit, comme La mouche, bien sûr, où on va entre les deux, c'est-à-dire qu'on est, La mouche Cronenberg arrive aussi, on se rappelle au moment du sida, enfin ça parle aussi beaucoup de ça, de cette maladie qui arrive, etc. Et on est tout le temps entre les deux, est-ce que ça voilà, t'as, encore une fois, t'as, je sais pas, regardé à l'époque, mais en tout cas, c'était souvent dans ta tête de se dire, tiens, comment il passe ces films que j'ai aimés de l'un à l'autre, justement, sans se laisser, entre guillemets, piéger dans un seul style. Non, c'est vrai que j'essaie de pas trop coller à mes références. Je les ai digérées un peu. Après, je fais vraiment confiance au concept, sans m'interdire. Et des fois, j'ai peut-être peu de recul sur l'effet que ça peut produire chez le spectateur. Je devrais pas le dire, mais voilà, quand d'autres me disent qu'ils ont très peur, certains me disent qu'ils ont très peur sur les rats ou sur la scène d'intro où c'est un vrai truc de genre. Je l'ai pas vécu. Je le vis pas comme ça parce que je le fabrique pas pour ça. Je le fabrique dans une logique vraiment dramatique. Et j'essaie d'être intègre et cohérent et honnête avec cette logique-là, de l'amener au bout. Et après, le lien avec le spectateur, je le perds un peu. C'est-à-dire, je ne sais pas comment lui va le recevoir. J'essaie, moi, d'être cohérent dans ma démarche. Et, C'est intéressant, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu es à la fois à mi-chemin entre un médecin qui est en train de faire une opération, mais qui a quelque chose de très logique et qu'il faut absolument que je fasse l'incision, on va dire comme ça. On peut vite céder aux sirènes, enfin voilà, au côté spectaculaire. On peut, pourquoi pas mettre de la musique à un moment donné. D'accord. Il y a eu des propositions comme ça. D'ailleurs, on a eu des discussions avec Dan là-dessus sur certaines séquences de la main. Moi, je voulais pas de musique. Je voulais pas de musique dans ces séquences d'action. Je voulais pas qu'on ramène du spectacle et de la distance. Je voulais qu'on soit le spectateur soit dans le point de vue de la main. Et dès lors qu'on a amené de la musique, finalement, ça a amené une espèce de distance. On était face à un spectacle d'une main, mais on n'était plus à sa place. Voilà, donc et ça marche. Pourtant, il m'a fait des séquences où ça marchait bien. D'un coup, les rats, ça prenait une autre ampleur. Mais on sortait du point de vue pour être devant une séquence et ça m'intéressait moins. Donc, vraiment, dont tu t'intéresses au spectateur et spectatrice, c'est en fait par rapport à l'identification qu'on peut avoir sur les, on va dire par exemple, les trois personnages là, principaux, hein, Naufel, la main, essayez. Et Gabriel. Et Gabriel, merci, j'avais oublié le nom de Gabriel. Et Gabriel, t'es plus sur ça, avec les autres, pourquoi pas, mais tu réfléchis plus à ça. Tiens, comment ce personnage va m'amener une émotion, va m'amener, je sais pas, un ressenti. Ouais, bah disons, il fallait. C'est des choses qui sont pas du tout dans le livre, en fait, dont le film est adapté. Mais il fallait que je trouve du lien entre tous ces personnages-là, dans leur sensibilité, dans leur rapport au monde. Voilà, donc la main, par exemple, un rapport tactile au monde. Il fallait que j'invente chez Naufel un rapport au monde qui était aussi sensoriel. C'est pour ça que j'ai amené ce côté, cette dimension sonore. Et c'est quelqu'un qui a un rapport sonore au monde. Et il enregistre des sons depuis qu'il est petit. Et ces sensibilités-là font que, même s'ils sont séparés, si la main est séparée de son corps, il y a quelque chose qui les réunit tout le temps. Et pareil pour Gabrielle, elle a un rapport au monde aussi. Elle est très coupée du monde, elle a sans arrêt son casque sur les oreilles, elle habite au dernier étage, donc c'est quelqu'un qui socialement n'est pas non plus super adapté comme pourrait l'être Naufel, on va dire, qui est assez exclusive. Voilà, donc c'est des choses qui me permettent de créer un discours entre ces trois personnages-là et de le tenir, parce que l'histoire est assez compliquée. C'est une histoire très simple, en fait, qui est racontée de manière compliquée. Alors, on est à la radio, on peut pas. Hein. Si vous avez vu, peut-être que toi, Nicolas, tu l'as vu, je sais pas, peut-être qu'il l'a montré un jour dans un cartoon movie ou quoi. Jérémy, plusieurs schémas, il a bien joué avec ça, où tu nous montres la mouche, puis elle arrive, etc. Et dire, je commence par chose de simple, de compliqué. Ça s'est fait sur un long terme, quand même, tout ça. Parce que c'est vrai qu'on parle, ça y est, maintenant le film est fini, le succès qu'on connaît, mais c'était un peu passer du court métrage comme ça, d'un seul coup, assez long. Ça a été assez long. On a eu du temps pour écrire parce qu'on a eu très peu de financement finalement. Donc tout ça, ça nous a permis d'avoir beaucoup de temps pour écrire, pour être seul, pour être aussi. Le sujet du film, le dispositif du film même, invitait à se creuser quand même pas mal la tête. Qu'est-ce que c'est que cette main? C'était assez symbolique, il y avait de la métaphore, mais il ne fallait pas non plus tomber trop là-dedans. Donc il fallait quand même tenir le spectateur sur une heure et demie en pensant qu'on lui raconte une histoire de main, alors que c'est pas vraiment ça. D'ailleurs, ça a été un peu le problème pour vendre le film, parce que finalement, c'est très difficile de communiquer sur ce film-là en disant aux gens « Oui, ok, il y a une main coupée, pendant une heure et demie, il y a une main coupée, mais le film ne parle pas d'une main coupée. » Donc c'est très compliqué pour les gens, de rendre lisible en fait ce projet-là, et je pense que c'est ce qui a... même si le film a fait 200 000 entrées en salle aujourd'hui, on s'est arrêté, mais voilà, on peut compter près de 100 000 entrées. On aurait espéré qu'il fasse plus que ça. Mais voilà, les gens, c'est compliqué de les amener déjà sur un film pour adultes d'animation. Et en plus, si tu rajoutes que le personnage principal est une main coupée, c'est un obstacle supplémentaire. Oui, surtout qu'on s'attend forcément à voir c'était sorti en même temps que La Famille Addams, quasiment. Ouais, voilà, on s'attend forcément à un truc plus rigolo, quoi. Qui... C'est ça, c'est plus. Ouais. Voilà, c'est dur d'exister, effectivement. De... Les gens qui sont allés voir le film, en fait, ne savaient pas ce qu'ils allaient voir et ont été surpris à la fin d'avoir vu ce. Mais voilà. On en reparlera tout à l'heure avec Nicolas qui nous fera un petit tour sur le cartoon movie. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, je dirais la liste que les 10 projets où il y a le plus de monde au cartoon movie, je pense, ont quasiment que 10 projets enfants. Et on en reparlera avec lui tout à l'heure, mais qu'évidemment, c'est encore prédominant, évidemment, cette idée de l'enfance. Tu pensais, on a parlé un peu du film, j'espère que vous avez toutes et tous vu J'ai perdu mon corps. Tu pensais que ça allait être aussi dur? Tu pensais que ça allait être aussi compliqué que quand tu as signé, quand Marc Dupont-Aviz te fait venir, donc tu racontes un Xylem, plutôt voilà, des séries télé, etc. Quand il te fait signer en disant, bah tiens, t'as lu le livre, allez, c'est parti, vous partez pour cette aventure. Non, bien sûr, je pense que ça va être plus rapide, mais je suis pas. Comme j'ai pas c'est mon premier long métrage, je suis pas. J'ai pas de référence, en fait. Et. Je crois qu'en fait de l'animation, on a quand même l'habitude du temps long. Donc ça, c'est un peu une force pour tous les animateurs. J'ai jamais été vraiment épuisé, découragé. J'ai toujours le sentiment qu'on avait, voilà, qu'on avait une bonne matière. Et le temps qui était accordé, à chaque fois, améliorait cette matière-là. Donc, voilà, après, c'est sûr, on peut travailler pendant 20 ans sur un film, ça, c'est un peu épuisant, mais... Non, c'est sûr, au moment où je signe, avec Marc, je me dis, bon, je sais pas dans quoi je m'engage. Pour une fois dans ma vie, quelqu'un allait me payer pour un truc que je pensais qu'elle allait jamais se faire. Donc je me suis dit, bah, je vais peut-être goûter à ça aussi un petit peu. Ça peut être agréable un moment. Ouais, ouais, parce qu'à l'époque, c'est super dur. Enfin, Sébastien Odenbach s'était cassé les dents. Jérôme Boulbaz, en fait, il y a pas mal de gens d'ailleurs, qui viennent de l'ANSAT comme toi, mais qui sont cassés les dents sur des longs métrages. C'est pas encore ce que. Mais là, c'est vrai que j'avais un gros producteur qui, ouais, qui avait un peu quand même des moyens, qui d'un coup finançait un peu le début, l'écriture et tout ça. Donc mais ça... qui connaissait pas, pardon, je te coupe, mais qui connaissait pas le long. Non, qui connaissait d'anime, pas d'adulte, même réellement, le travail, ouais, même ouais, à ce que là où j'allais amener le film, il ne ouais, savait pas non plus. Moi non plus, je ne savais pas. Mais au moins, il y avait, voilà, j'étais dans un cadre contractuel. Voilà, j'ai jamais été salarié de ma vie, mais il y avait un truc qui ressemblait à quelque chose d'adulte. Voilà, j'étais dedans. Donc d'un seul coup, le long, ça te faisait arriver dans une autre dimension. Oui, et puis c'est ouais, marrant parce que du coup, je côtoyais des gens totalement différents du monde du court-métrage. Par exemple, moi, les gens que je connaissais du court-métrage sont inconnus dans l'industrie et vice-versa, quoi. C'est vraiment deux mondes, deux logiques, deux façons de penser, deux cultures totalement différentes. Le regard critique hors anime, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que tu as eu sûrement des bonnes surprises? Puis je sais pas, c'est peut-être eu des mauvaises surprises d'avoir d'un seul coup plutôt que d'avoir juste Bulle de Rêve. Hein. Et si vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas évidemment à lever la main comme d'habitude. Mais des gens de l'anime avant tout qui te posaient des questions. Là, d'un seul coup, tu te retrouves avec, voilà, avec plein de gens. Je sais pas, les pour et les contre de cette rencontre, de ces rencontres. Bah non, ça s'est fait. Enfin, les premières rencontres comme ça avec le monde de la prise de vue réelle, c'est fait à Cannes où le film était à la semaine de la critique. Et c'est vrai qu'à la sortie de la salle, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour me féliciter, effectivement. Mais on sentait qu'il y avait un discours qui n'était pas forcément le même que celui d'anime. On m'a parlé des personnages, des acteurs, on m'a parlé de choses comme ça. Voilà, il y avait des gens qui pleuraient. Donc c'était assez c'était assez touchant. Je pense que c'était assez gratifiant pour l'équipe du film qui était là aussi. Donc ouais, moi j'étais content aussi pour eux parce que moi j'ai toujours été convaincu que voilà, il y avait pas de front entre l'animation et la prise de vue réelle. Moi j'aime le bon cinéma et quand voilà, on bosse 7 ans sur un film, on essaye de faire un bon film. Donc j'étais convaincu un peu du travail qu'on avait fait. Enfin convaincu un peu, ça veut rien dire, mais j'étais convaincu ouais, du travail qu'on avait fait. Et donc je sens fausse modestie. Hein, je pensais que voilà, on s'était pas planté. Et donc j'étais pas très surpris qu'il ait un écho au-delà de l'animation, parce que j'ai pas fait un film d'animateur, j'ai fait un film avant tout. Et donc c'est pas être prétentieux de dire que non, on avait fait un bon film, et je trouvais ça normal qu'on soit vu, apprécié aussi, pas par tout le monde forcément, mais voilà, qu'on soit considéré. Et plus au niveau des critiques, c'est-à-dire quand tu commences à avoir, je sais pas, des gens qui te parlent, je me rappelle de... Je sais pas d'une critique, dans le même movie c'était plutôt bon, mais il y avait des critiques assez dures par rapport à ça, qui sont intéressantes d'ailleurs, parce qu'en animation, comme je disais tout à l'heure, souvent ça va être pas ou un consensus, et quand on n'aime pas, on va rien dire, parce que voilà, c'était. On reçoit ça comment? Quand on reçoit, je me rappelle, je pense qu'on en avait parlé ensemble, je sais plus, tu me parlais de, voilà, de critiques, on ne sait quoi ce film, enfin bon, c'est. C'est glauque, vulgaire, je sais pas quoi, un truc comme ça. Il y a des choses. Alors, c'est souvent des gens qui viennent de l'animation, en fait, qui m'ont fait ces critiques-là. Oui, c'était pendant la campagne américaine pour les Oscars. Il y avait des journalistes d'animation un peu classiques qui mettaient en avant le fait que c'était bizarre, glauque, voilà. Mais bon, on se rend vite compte que c'est des. Voilà, il y a plusieurs films qui font leur campagne à ce moment-là et qui servent plutôt la soupe à certains films, voilà, qui sont un coquin. Voilà, il y a une espèce de copinage assez évident qui transparaît. C'est assez politique, hein, tout ça. Et voilà, qui transparaît vite. On se rend compte que voilà, certains journaux vont favoriser tel ou tel type de film et d'autres, ils vont être sur leur classique. Quoi. On va pas se mentir, plus la pub évidemment qui est faite dans ces magazines-là. Ou dans ces revues-là, évidemment, qui aide à d'un seul coup aller plutôt influencer, vers aller. C'est, j'insiste là-dessus. C'est ouais, encore une fois, prise de vue continue. C'est-à-dire d'un seul coup, t'arrives, tu montres ce film-là. Est-ce qu'il y a des mots? Tu l'as dit, on remarque déjà un petit peu. Acteur, enfin voilà, les personnages. Je sais pas. On parle de cadrage, on parle de mise en scène, peut-être un peu plus qu'on a pu t'en parler avant. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment apprécié de rencontrer pas mal de producteurs, de la prise de vue réelle, même de réalisateurs où on parlait. C'est vrai qu'on parlait plus de qualité d'anime forcément, de choses comme ça, de prouesses technologiques d'anime. On parlait beaucoup plus des thématiques, du cadre, de la photo, du film, de la narration, de la mise en scène. Et c'est vrai que là, je sentais pas que je faisais forcément de l'anime ou on parlait du film. Enfin, donc ça m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai qu'en animation, on a finalement peu de. Je sais pas si on n'a pas le temps de parler des films comme ça, mais je vois. Je pense qu'il y a déjà dans le paysage des longs métrages d'animation, il y a beaucoup moins de films qui sortent. Et je dirais que c'est pas forcément les longs métrages les plus intéressants. Donc il y a un discours qui est beaucoup plus pauvre de ce côté-là dans le long métrage d'animation qu'il ne l'est dans le court métrage d'animation. Voilà, donc là on sent que c'est des gens qui ont l'habitude de parler beaucoup sur les films, d'avoir un point de vue, d'être capable de parler de la mise en scène, du son. Et finalement, c'est quelque chose qui est moins, où on est moins confronté, nous, dans le cinéma d'animation, parce que de toute façon, il y a beaucoup moins de films, donc le dialogue est beaucoup plus réduit. Souvent, chaque année, il y a peut-être deux films qui sortent un peu du lot, mais voilà, je pense peut-être une explication. Hollywood, c'est un autre monde ? T'es parti pour les Oscars, t'es parti, le film a été vendu à Netflix, et le doublage là-bas, tu me racontais un tout petit peu, on va pas tout raconter, mais j'ai raconté, c'est quand même un autre monde. Ouais, c'est un autre monde, c'est rigolo d'y aller, on s'y fait très vite, hein, faut faire très attention. Ouais. non, mais c'est assez hallucinant. Bon, d'abord, on est très bien reçu quand même, on est très considéré. Quand on fait partie de la campagne, il y a vraiment une considération, je pense, aux États-Unis, même dans les Oscars. Alors ça peut être même si c'est de façade. Même, on sait que c'est OK, amazing, etc. On sait que c'est de façade, mais on est reçu comme n'importe quelle star va être reçu avec la même considération. Et on sent vraiment que ce traitement-là n'est pas le même en France, par exemple au César, où il y a vraiment le monde des puissants, les acteurs, etc. Et puis les petits animateurs, on les met dans un coin du restaurant pour pas qu'ils dérangent. Là, on est tous assis un peu au hasard. Donc on peut se retrouver en face de Tarantino. Il peut nous adresser la parole. En fait, il y a un vrai... c'est le monde du cinéma qui se rassemble. Alors, je dis pas que c'est faux ou pas, mais c'est parce qu'évidemment, à l'intérieur de ça, il y a des cercles qui font qu'on ne pénètre pas si facilement. Mais... voilà, ça ouvre la porte à des choses totalement inattendues, des rencontres un peu même dont on peut se souvenir longtemps. Donc il y a plus de chances d'avoir un acteur, une actrice célèbre hollywoodien qui vient de voir, vous avez fait ce film là ou... Ah oui, complètement. Qu'en France, il y a une vraie curiosité. Oui, il y a peu de chances que voilà. Ouais. Je pense qu'ils vont. Il n'y a pas cette peur peut-être en France d'être vis-à-vis de la personne qui est en face de nous. Est-ce qu'elle c'est notre égale? Est-ce qu'elle est en dessous, au-dessus, tout ça? Donc là, c'est vraiment, ils s'en foutent un petit peu. Ça bouge dans tous les sens. Ça va très vite, sûrement un peu faux, mais c'est pas grave. C'est un jeu qui est plaisant. Même si évidemment, là, je vous ai entendu, mais les Oscars commencent aussi comme les Césars. Ils ont supprimé certaines catégories, hein, dont l'animation. Qui, donc, en métrage d'animation qui passera à la trappe de la retransmission. C'est en deux parties, c'est ça. Retransmission, voilà, c'est ça. Ouais. Une partie serait faite, je crois, avant, ou en tout cas, comme ils avaient fait déjà pour les effets spéciaux, etc. Et donc, c'est aussi l'animation, l'une des qui passe à la trappe. On a peur de. t'en es pas encore là, t'es encore, voilà. On a peur de se laisser prendre à ce piège, justement, d'avoir une limousine Netflix qui vient nous amener de l'aéroport, je truc, où on se dit juste, allez, je profite du moment, puis on verra bien ce que ça donnera dans 3-4 ans, c'est pas grave. J'ai profité, on va pas... Enfin, faut profiter, sinon faut pas le faire, mais... Non, faut être conscient, je pense, bon, j'ai 45 ans, donc si ça t'arrive peut-être à 20 ans, c'est différent. Là, à cet âge-là, tu sais très bien que ça va s'arrêter après la campagne. Mais donc, on profite, hein, on va coûter cher jusqu'au bout. Quoi. Non, mais faut on a pas s'amuser. Peur. L'idée, c'était oui, de ne pas avoir peur d'un seul coup de prendre trop au jeu, et je suppose qu'il y a une descente aussi à un moment donné. Enfin, je pense qu'il y a un combat quand même. Il y a une descente, ouais. C'est-à-dire que quand la campagne s'est terminée, il y a eu le Covid. Donc, il y a eu à la fois le retour à Paris, le confinement, tout ça, la boîte s'est refermée direct. Donc, non, il y a eu une... Si, c'est quand même une petite descente, forcément, qui arrive derrière, mais on s'y fait, ça va, j'ai pas... Ça, avant de faire une première pause, ça ouvre le film à plutôt, tu l'as dit, 200 000 entrées, mais Netflix, le Grand Prix, première fois, Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes, Grand Prix à Annecy, Prix du Public aussi à Annecy. Enfin voilà, le film a plutôt eu bonne presse aussi, bonne critique, etc. Ça ouvre des portes, le César, on oublie le César, bien sûr, César de la meilleure musique aussi. Ça ouvre plein de portes et on te propose... plein de projets, tu reçois dans ta boîte mail tous les jours plein de projets. Pas plein de projets quand même, mais c'est vrai que ça ouvre le dialogue avec des producteurs, même aux États-Unis, même en France aussi. C'est vrai qu'en aux États-Unis aussi, parce que j'avais quand même j'ai un manager qui s'occupe de moi là-bas qui s'appelle Jérôme Dubose, et je lui avais dit que je voulais faire aussi de la prise de vue réelle, ça m'intéressait. Alors il y a un vrai intérêt, j'ai rencontré vraiment les producteurs les plus en vue. Pour autant, on les rencontre, ça veut pas dire qu'ils ont des projets et d'un coup ça va se faire. Donc on sait que c'est quand même assez difficile de tomber sur des projets intéressants et de choses comme ça. Mais en France, un peu moins. C'est-à-dire en France, on me rencontre pour faire de l'animation. On m'a demandé de l'animation jeunesse. On sent que là, c'est du drop name. On sait qu'avec mon nom, en gros, le projet va pouvoir passer. Mais puis on fait un film qui n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire. Donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, après, là, au début, on est un peu excité. On se dit, on va recevoir le scénario d'enfer. Et puis le scénario d'enfer n'arrive pas, en fait. C'est souvent des scénarios qui nous tombent un peu des mains. Mais dans l'eau, il y en a... Donc ça demande beaucoup de travail. C'est vraiment une organisation différente. On doit lire chaque semaine des scénarios en anglais. Voilà, et en fait, on se rend compte que c'est comme ça aux États-Unis. Les scénarios, ils défilent à l'appel, comme ça. C'est un robinet continu de scénarios. Et les gens, ils se les balancent de l'un à l'autre et tout ça. Et donc le quotidien d'un réalisateur, d'un réalisateur qui cherche en tout cas à vouloir faire des films dans cette industrie-là, c'est de lire peut-être 10 scénarios pour qu'il y en ait un qui l'intéresse et qu'il ne sera même pas sûr de pouvoir faire parce qu'il va être en compétition avec d'autres réals en face, etc. Donc il faut jouer le jeu, c'est du boulot. Hein. C'est intéressant ce que tu dis, parce que alors, rien à voir, mais Michel Serrault, donc grand acteur, disait qu'en effet, lors d'une émission de cinéma, et l'intervieweur lui disait alors vous recevez plein de super scénarios, et là il rigole. Vous rigolez ou quoi? Il y a 2-3 bons scénars de temps à autre, et puis la plupart du temps, on me demande juste de faire du Michel Serrault, voir si j'ai fait un assassin avant, on va me demander de faire l'assassin. Et puis on me demande de faire, est-ce que toi, on t'a demandé. Les pieds, voilà, les oreilles. Non, parce que des films comme ça, quand même, ça fait un peu peur. J'ai perdu mon corps, c'est pas non plus une recette financière qui est à suivre, forcément. Donc non, c'est toujours des... En animation, on m'a pas proposé grand-chose, en fait, je dois dire. D'accord, c'est plus... C'est plutôt en prise de vue réelle. Enfin, en animation adulte, on m'a pas proposé grand-chose en adulte. On m'a proposé de l'anime jeunesse. Et puis c'est rigolo. Je trouve qu'on te propose de l'anime jeunesse après J'ai perdu mon corps et même tes cours. Ouais, c'est juste drôle. On pourrait avoir la main, mais qui se déguise pour Noël et non, avec des animaux, des choses comme ça. Mais bon, ça m'intéresse pas. Allez. Juste un truc, je vais te demander par rapport au prix. Moi, le prix qui m'a, enfin, la citation qui m'avait le plus surprise, et heureusement, c'était celle comme de la réalisation aux lumières. Est-ce que ça a fait bouger des lignes ou pas plus que ça? Le film était dans les films sélectionnés pour le prix et la meilleure réalisation, c'est ça. Rien du tout. D'accord. Rappelle, non, c'est quoi les prix Lumière? Enfin, les prix Lumière sont les prix remis par la presse étrangère en France. Mmh. Et dans la catégorie. Donc, tu t'es retrouvé dans la catégorie réalisation, ce qui est aussi un choix marqué de leur part. J'étais ravi, mais je pense que ça. Non, ça a pas tellement aidé, ça a pas d'écho derrière. Après, on va être honnête que les prix Lumière, pour l'instant, c'est pas les Golden Globes, même si cette fameuse love and hate relationship qu'on a avec les États-Unis, on déteste, mais on fait quand même la même chose que là-bas. Mais voilà. Allez, on fait une pause et c'est toi, Jérémy, qui nous l'a proposé. Ah ouais, c'est moi qui fais la pause. Enfin, c'est toi qui nous a proposé la musique. Tu veux que j'introduise la musique ? Bon, alors, c'est une musique. Alors, il y a deux aspects dans cette musique. La première, c'est une musique qui pose beaucoup de questions. Ça pourrait être les questions qu'on pose à une personnalité qui est à l'est de l'Ukraine en ce moment. Voilà, je pense que les parents ont peut-être ce genre de ses parents ont peut-être ce genre de questions en tête. Ensuite, et puis c'est aussi une musique dont le clip a été fait par un ami à moi qui s'appelle Arnaud Delors et qui est d'ailleurs le réalisateur d'Arcane, cette série que tu adores, Alexis. Et voilà, merci. De chez Fortiche, qui sont des grands amis à moi et qui ont fait un travail quand même incroyable sur cette série-là. Et Arnaud faisait beaucoup de clips avant. C'était un peu Monsieur Clip. Ce clip est assez drôle à regarder aussi, parce qu'il est fait avec des images vidéo-gags, mais qui coûtaient moins cher. Du coup, c'est des vidéo-gags russes qu'il avait pris. Donc on écoute le morceau 4, Alistair, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Merci Nicolas. Que rater ta vie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser. Tu ne sais que sortir de chez toi. On va faire de toi un homme. On va faire de toi une femme. On va t'utiliser pour des crash tests. On va te présenter à des derviches tourneurs. On va bloquer ton compte, on va te dire les astres, on va déteindre tes dents. Qu'est-ce que t'as dans la tête? On va te saupoudrer de saccharine, on va encadrer des photos dans ton salon et on va t'appeler les urgences. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser, tu ne sais que rater ta vie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser. Tu ne sais que sortir de chez toi. On va t'occuper avec des sitcoms. On va t'occuper avec ton surmoi. On va t'occuper avec des diplômes. On va t'aveugler avec des larmes. On va t'aveugler avec ta libido. On va débrancher tes neurotransmetteurs. On va te divertir avec des sosies. On va te divertir avec des BPM. On va penser à toi avec des cernes, on va penser à toi avec des SMS, on va penser à toi avec des airbags, on va t'envoyer en l'air. Ouais. On va t'inoculer de l'allégresse, on va t'injecter de la graisse, on va te faire des promesses, on va renier ton étoile. On fera de toi une victime collatérale, on te coulera dans le macadam. On va te diviser en pixels, on va multiplier ton quotient intellectuel, on va rappeler tes anciens amis, on va leur dire que tu filtres, on va changer ton théorème, on va trouver quelqu'un qui t'aime, on va trouver quelqu'un qui t'aime, on va trouver quelqu'un qui t'aime. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Des romances nerveuses. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Des romances nerveuses. De quoi tu envies? Des romances nerveuses. De quoi tu besoin? Des romances nerveuses. On va t'aimer. On va t'aimer sans raison. On va t'aimer sans fin. On va t'aimer sans fond. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Des romances nerveuses. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Des romances nerveuses. De quoi tu envies? De romances nerveuses. De quoi tu besoin? De romances nerveuses. De romances nerveuses. De romances nerveuses. De romances nerveuses. De romances nerveuses. De romances nerveuses. De romances nerveuses. De romances nerveuses. De romances nerveuses. Donc voilà le message de Jérémy Clapin à Poutine, directement. Le film est sorti en Russie, j'ai perdu mon corps. Ou non, c'était sur Netflix, il est pas... Non, je sais pas. Parce qu'il est sorti en Chine, non, parce qu'il y avait cette histoire, il est sorti finalement dans peu de territoires, parce qu'il a rapidement acheté par Netflix, et il y avait eu la France, la Chine... Ouais, c'était partout dans le monde, sauf Chine, Belgique, Turquie et France. C'est ça, hein, donc finalement, malheureusement. C'est un peu... C'est un peu une déception que malheureusement il ne soit pas sorti, même si en effet Netflix il a touché beaucoup plus de public même qu'il aurait pu avoir. Bah, mais... Oui, ouais. Forcément, le côté j'aurais aimé, il m'aurait fait voyager et tout ça, ça, il m'a fait voyager, mais qu'à Los Angeles quoi. Mais bon, c'était je pense la meilleure option pour le film, pour moi aussi, malgré tout, quoi. Même financièrement aussi, mais d'un point de vue aussi capacité de montrer un peu partout. Voilà, c'est comme ça qu'il a pu exister le Alors, plus possible. Antoine et Nicolas, vas-y. Tu disais que le modèle économique n'était pas forcément faire rêver après pour d'autres prods. Est-ce que là, maintenant, enfin, est-ce que tu as l'impression que ça t'aide maintenant ou pas d'avoir fait justement J'ai perdu mon corps avant? Ouais, si, bien sûr. Bah, déjà, les gens m'ouvrent leurs portes. Et ça aide, mais bien sûr que ça aide, parce que tous les projets. Voilà, je peux soumettre des projets, ils vont m'écouter, etc. Je pense demander à un peu n'importe qui de m'écouter au moins 5 minutes. Mais après, c'est le projet qui décide. C'est-à-dire que les projets que je veux faire sont toujours des projets un peu compliqués. Et c'est toujours, dans cette audace-là, c'est jamais facile de trouver des gens qui voilà, passent à l'acte, ou de la démo, passent à l'acte et arrivent à défendre des projets comme pouvait l'être aussi J'ai perdu mon corps, qui sont un peu en marge, où c'est plus difficile de communiquer dessus. On n'arrive pas très bien à les lire en tant que projet, mais c'est souvent en tant que film après qu'ils se révèlent un peu. Et là, on fait face aux mêmes obstacles ou incompréhensions, peur de l'étrange, peur du bizarre, quoi. Juste et sous-jacent, je pense à la question d'Antoine, c'est est-ce que toi, ça te permet, je ne sais pas si c'était ça, mais aussi d'avoir des armes maintenant que tu sais les écueils, que tu sais tout ça, et de pouvoir dire, bon bah là je fais attention au niveau de la prod, on va en reparler, tu vas retravailler avec le même producteur, notamment Marc Dupont-Aviz, disant, bon bah là je sais que ça vaut vraiment la peine, là faut que je fasse plus attention, et la distribution aussi, hein, tout ça. Est-ce que toi... C'est sûr que j'ai la distribution, je connaissais pas du tout cette étape-là, parce que je venais du court-métrage, mais je sais que c'est quelque chose qui est déterminant pour un film, sa sortie, évidemment, parce que c'est eux qui s'en occupent. Et donc, je pense que j'ai manqué du dialogue, même de leur côté, ils pourraient dire la même chose. On n'a pas eu assez de dialogue entre nous pour parler du film, pour savoir de comment fallait le présenter, ce qui était important pour moi, mais peut-être aussi pour les spectateurs. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'incompréhensions et ça aide pas la sortie du film. Je pense que là, avec mes prochains distributeurs, on en a déjà parlé sur mon prochain film, qui est d'ailleurs pas un film d'anime. Mais c'est un dialogue que voilà, je souhaite entamer un peu plus en amont pour voilà, les accompagner aussi et qu'eux m'accompagnent aussi dans la sortie du film. Sur des choses comme l'affiche, la bande-annonce, ce genre de choses. Oui, voilà, c'est d'avoir un univers un peu cohérent qui soit pas parachuté du jour au lendemain parce que tiens, on a besoin d'une image pour l'affiche ou des choses comme ça. Quelque chose de mieux construit. D'être mieux accompagné, ouais, c'est important. Nicolas. Oui, je me demandais, est-ce que tu as eu des échos? Est-ce que tu sais comment mon film a été reçu? Alexis parlait de la Chine, mais au Japon, où ils ont peut-être un peu plus l'habitude de voir ce type de film d'animation. Alors, je suis. Non, franchement, je ne sais pas du tout comment. Si le film a été vu au Japon, enfin, je crois qu'il est sur Netflix au Japon, mais j'ai pas de retour de. Et il n'y a pas non plus de portes ou des choses comme ça, des liens avec des producteurs ou autres japonais justement d'animation qui auraient pu voir le film et qui... Franchement, j'ai eu aucun retour de cette industrie-là et c'est à mon grand désarroi, j'aurais bien aimé. Il y a une traduction, pardon, du film, tu sais, en japonais ou pas? Ouais, si, il existe avec la voix de Naufel en japonais qui livre une pizza en banlieue parisienne, hein, si. C'est assez drôle. C'est vrai que s'il avait livré comme tu le voulais peut-être au départ des sushis. Finalement, ça aurait été un autre truc, mais là, c'est en effet, c'est pas mal de... Mais non, mais j'aimerais ça. Par exemple, le fait que le film soit pas sorti en salle au Japon, c'est un regret que j'ai. J'aurais bien aimé... voilà, quand même, c'est un peu le pays de l'animation. Et l'animation adulte aussi. Et l'animation adulte, et j'aurais aimé vivre ça. Maintenant, je sais pas de quelle mesure ils ouvrent un peu les portes aux... voilà, ils ont leur industrie est tellement productive... Ils ont tellement de projets, est-ce qu'ils montrent vraiment ce film-là? Ils l'auraient sorti? Je sais pas. Alors la bonne nouvelle pour les gens qui, comme moi, ont eu du mal avec Le Sommet des Dieux, qui ont trouvé que c'était un film doublé en français, le film va avoir une traduction, parce qu'il va sortir au Japon. Lui, il a plus de chance, puis en plus, bon, ouais, là, il faut dire qu'il y a Taniguchi derrière, donc grand auteur, etc. Et le film, le producteur a dit, le film allait être doublé en japonais et sortir au Japon, ce qui a peut-être... la possibilité de redonner une chance, pour moi en tout cas, au film qui, moi, je vous avoue, j'ai eu vraiment ce problème de doublage où je me suis dit, mais c'est pas possible, il parle avec cet accent un peu français, mais il nous truc. Donc voilà, donc, mais je comprends donc cette difficulté. Tom Moore, dans une interview, je la répète à chaque fois, me disait un jour, dans une interview, disait, j'aurais tellement aimé faire une école de cinéma plutôt qu'une école d'animation. Toi, c'est quelque chose, je t'entendais dire tout à l'heure, j'ai fait ni l'un ni l'autre, parce que oui. Je peux pas dire que l'ENSAD, je l'ai fait en animation, vu que je l'ai fait en illustration, mon diplôme, et que c'était pas franchement une école dédiée à l'animation technique et tout ça, donc... Mais je comprends tout à fait ce qu'il dit, moi... Ce qui m'intéresse, c'est le cinéma, l'animation. Voilà, c'est un moyen. Je pense à l'époque, quand j'étais à l'ENSAD, j'ai choisi de faire des films en animation parce que ça me paraissait plus accessible pour moi, qui était peut-être plus solitaire, qui aimait pas trop demander à des gens de bosser pour moi gratos. J'aime toujours pas d'ailleurs. Qui était pas là pour fédérer des gens dans une énergie, allez, viens, on fait ça et tout ça. J'arrivais pas à faire ça. Les gens savent le faire et du coup, ils arrivent à faire des tournages là et en demandant de se faire aider, tout ça, moi j'y arrive pas. Donc je faisais mes choses toute seule, à mon rythme, avec le son que je voulais mettre, le montage que je voulais mettre, sans montrer à personne, surtout pour pas m'exposer à des critiques quand même, ça aurait fait chier. Donc je le gardais, je montrais à ma mère. Non, même pas, mais même surtout pas. Non, mais voilà, ça me permettait de le faire et sans trop m'exposer. Et à cette époque-là, j'aimais bien. Maintenant, ça change. Évidemment, j'ai évolué, mais c'est pour ça, je pense que j'ai fait de l'animation. Ce qui est intéressant, c'est que l'animation, tu le disais quand même, c'est aussi, on en parlait, même si des fois c'est énervant, c'est un peu la famille. Je me rappelle, tu me disais, je suis ravi évidemment d'être à Cannes, mais si j'avais pas été à Annecy, ça aurait été douloureux. Enfin voilà, j'ai Annecy d'un seul coup et d'avoir, même si évidemment les 15 minutes d'applaudissements d'Annecy sont différents des 15 minutes d'applaudissements chez Pat Cannes, parce que c'est pas la même chose, ça fait quand même, il y a cette idée, c'est quand même important chez toi l'idée, je trouve, de famille, en tout cas d'avoir, tu pars travailler avec Dan Levy, enfin voilà, d'avoir des gens et de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'en animation il y a quand même quelque chose qui cimente un peu tout le monde, c'est que c'est quelque chose qui est très dur et très long, donc on a peu de films et donc il y a beaucoup de respect les uns envers les autres, même intergénérationnel et tout ça. Moi j'ai grandi, j'ai fait du cinéma parce que j'ai vu du Schwitz-Gebel, j'ai vu du Nordstein, j'ai vu du Koji Yamamura, tout ça, donc c'est des figures qui sont indétrônables aujourd'hui, pour moi en tout cas, en animation, et qui resteront, qui perdureront. Et c'est vrai qu'en prise de vue réelle, il y a ce mélange dans les festivals avec le côté spectacle. On se montre beaucoup. D'ailleurs, on est filmé. Donc, il y a une image qu'on doit véhiculer avec nous. On s'en fout un peu en animation. Franchement, on peut se bourrer la gueule avec un prix de Parne. Et puis, du coup, là, on est bien tombé. Pardon. Mais voilà, on peut... C'est comme un pique-nique, quoi. C'est beaucoup plus mélangé, accessible. Les gens sont tous au même niveau. C'est vrai qu'en prise de vue réelle, c'est pas comme ça, quoi. Oui. Il y a une espèce de strates qui sont vraiment visibles et les gens cultivent ça, et c'est pour les médias, etc. Donc c'est tout un écosystème qui n'est pas du tout en animation. On peut venir en basket comme Dominique Sautin d'Anima, on parlera sur d'Anima, la directrice qui vient en basket lors de la séance de clôture. Et évidemment, ça ne choque absolument personne. Moi, un petit peu quand même. Ah, toi, un petit peu, mais ça, oui. Mais c'est pas cette habitude des Oscars maintenant. Forcément, évidemment. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit que c'était la dernière fois que tu en dirais plus Anima. Dominique, est-ce que ça y est, le film est passé, j'ai perdu mon corps, il a eu le succès qu'on a dit, etc. T'as un ou deux regrets, pas forcément des gros regrets, mais il y a un deux trucs, tiens, j'aurais peut-être fait ça comme ça, ou j'aurais fait ça comme ça, ou non, l'histoire est passée, ça y est maintenant. Non, je pense pas à mon film comme ça maintenant, j'arrive à lâcher, franchement j'arrive à lâcher, à plus le regarder avec ce qui aurait été, il y a toujours des choses qui sont possibles de faire, mais sur le moment, il faut prendre des décisions. C'est souvent des décisions liées à l'économie du film et à la vitesse de production dans laquelle on était vraiment embarqué. Et donc, fallait donner la priorité à la narration ou à l'émotion. Mais en tout cas, fallait choisir ses priorités où on mettait l'argent. Donc, c'est des choix que j'assume et que j'assumerai, que j'assume encore aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est moins animé que ça aurait mérité de l'être. Mais tant que le fil de la narration n'était pas coupé ou perturbé par cette économie d'anime, moi, j'ai pas besoin de faire une image en plus, en fait. Et même si j'avais eu plus d'argent, finalement, est-ce qu'il aurait été bien utilisé là ? Pas sûr. Alors, il manque quelque chose à l'histoire de J'ai perdu mon corps, mais un jour, on y arriverait. Il manque un livre qu'on arrivera à faire. Je vous rappelle, et je refais ça, si quelqu'un est intéressé pour écrire, le livre est fait. Il y a quasiment, donc voilà. C'est la dernière petite chose, la dernière petite pierre qui pourrait y avoir, parce qu'il y a même des morceaux sur l'album dont Dan Levy a réussi à rajouter de la musique enlevée par Jérémy. Voilà, donc il y aura ça. Tu t'ennuies rapidement. Est-ce que tu t'ennuies rapidement quand tu crées? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, je sais pas, je te pose de ça, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu changes de style, tu changes, même s'il y a des thématiques qui restent les mêmes. Et là, on va le voir, on va faire une petite pause, mais on va revenir pour finir avec toi. Tu vas passer à la prise de vue continue. Est-ce que, je sais quoi, c'est un challenge à chaque fois? C'est de l'ennui? C'est le besoin de se redécouvrir? C'est la peur de. J'ai pas envie de répéter les mêmes choses, en fait. J'ai envie de découvrir, de rechercher des choses que je connais pas, de me mettre en danger. C'est vrai que. Après, c'est pas de l'ennui qu'on fait de l'animation. Enfin, quand on parle du temps de fabrication à quelqu'un qui fait de la prise de vue réelle, il comprend pas comment on tient. Parce que j'arrive à tenir comme ça sur un film. Ça a duré 7 ans quand même, l'histoire de ce film-là, de J'ai perdu mon corps. Mais une fois qu'on a passé cette. À la fois, c'est vraiment une exploration, mais c'est un voyage incroyable de faire un film comme ça, qui est douloureux quand on le fabrique à mi-chemin. On n'a vraiment que des obstacles tout le temps. On se demande, on voit plus le plaisir de fabriquer en fait. Il revient petit à petit, et de sentir qu'on va repasser par les mêmes endroits. Moi, j'en suis pas capable, quoi. Je me dis, il faut que je trouve d'autres obstacles, même. Et je sais qu'il y aura des obstacles, mais il faut que j'en trouve d'autres parce que ça m'a trop marqué sur le moment et j'ai pas envie de. Je suis pas maso au point de me réinfliger exactement les mêmes choses par lesquelles je suis passé. Donc je cherche d'autres moyens d'autres territoires à explorer et je sais qu'il y aura les mêmes obstacles, mais ils seront un petit peu différents et du coup un peu nouveaux et plus attrayants. Alors, J'ai perdu mon corps existe évidemment depuis longtemps. Alors, il est toujours pas sur Netflix France, hein, je crois. Bah écoute, normalement, avec la chronologie MMA, ça serait en novembre, hein, novembre prochain. Donc, il va pas tarder, mais de toute façon, il existe en DVD avec un making-of avec Jérémy, avec des belles lumières, vous allez le voir et tout. Il dit plein de choses et tout. Voilà. Je regrette, ça aurait arbitré. Je pense à making-of, encore une fois. Je pense que J'ai perdu mon corps, tu le sais, enfin, un film qui va marquer, qui est important. Et ça aurait été un making-of, mais encore un peu plus long. C'est vrai que ça manque des fois, je trouve, en anime, on s'arrête des fois un peu à l'idée de making-of de 30-35 minutes, un petit peu pour vendre la chose, alors qu'en fait, on aimerait avoir une heure et demie avec toi uniquement, un quart d'heure avec. Pardon, une demi-heure avec Marc Dupontavis, on va lui donner plus qu'un quart d'heure, sinon il va pas aimer. Donc une heure et demie, enfin non, mais avec des choses. Et je me rappelle, puisque je l'ai déjà dit à ce micro, c'est vrai qu'on avait la possibilité de faire ce livre. Tu m'as dit un truc que j'avais trouvé intéressant, c'était. Et Michael Dudoc de Vite avait râlé par rapport à son livre pour ça, c'est. Il était seul à parler, et je me rappelle, il a dit je veux absolument que tout le monde soit interviewé. Et je trouve que c'est ce qui manque aussi un peu dans le making-of, c'est que d'un seul coup, on est tout le monde. Ouais, mais je pense que c'est très. Ce qui est délicat, c'est quand le making-of est fait, les équipes sont plus là. On le fait. Faudrait le faire en fait. Faudrait l'incorporer dans la prod, dans la fabrication. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les chefs de poste et le retour de gens finalement que j'ai pas, de les entendre a posteriori parler du film, et d'avoir leur point de vue et tout ça. C'est je trouve intéressant pour moi et puis même pour ceux qui vont regarder ça. Tu parlais du long processus, mais par rapport à la musique, c'est arrivé. Tard dans le processus, et est-ce qu'elle a eu une influence sur ton écriture, par exemple? La musique est arrivée tard. On a monté le film et on a fait l'animatique avec des musiques maquettes. Et Dan Levy a quand même bossé, ça a bossé bien 9 mois ensemble sur la musique, à retoucher les trucs comme ça. Mais le film était déjà monté, il était en train de se finir et tout ça. Je pense pas qu'en termes d'image, il a. Moi, j'ai eu beaucoup de. À me nourrir de sa musique. Mais bon, le film a énormément profité. Je sais qu'aujourd'hui, le film est indissociable de la musique. Donc, il a totalement jeté, je crois, les musiques maquettes que j'avais mis sans jamais les écouter. Et proposé un truc vraiment différent. C'est vrai qu'on est. Pardon, Pascal, c'est vrai qu'on n'est pas trop revenu sur le film en lui-même. Il y a eu pas mal d'entretiens avec toi, Jérémy. Donc, c'est vrai que. Pardon, hein, c'est vrai que non, j'avais pas délimité suffisamment aussi le truc de dire que c'était plus là maintenant. Et c'est vrai que l'histoire avec, en plus, est assez passionnante, parce que quand même, t'avais choisi quand même plusieurs personnes, et lui t'avais dit, vous allez faire de la musique sur une séquence, et en gros, il t'a dit, non, c'est pas comme ça que je travaille. Et puis, et en fait, tu lui as redonné, c'est plutôt beau, tu lui as redonné le goût de faire des bandes originales. Alors qu'il a. C'est une belle histoire avec Dan, parce que. Il m'a été proposé par Mathieu Garcia, qui était mon assistant réel à l'époque sur le film. C'est c'est la moitié du groupe The Do, Dan. Et il avait fait, je crois, de la musique de film, mais il n'avait pas eu de très bonnes expériences. Et quand je l'ai appelé, c'est vrai que je démarchais aussi 2-3 autres compositeurs pour faire une sorte de compète, essayer de trouver mon compositeur. Et j'avais choisi 2-3 séquences, comme ça, avec un petit brief, une séquence romantique, une séquence... plus mystique, etc., d'action, je sais pas, en faisant un petit brief comme ça. Et puis, lui, c'est vrai, et j'avais donné mon mail à la fin, j'avais donné mon numéro à la fin du mail en disant n'hésitez pas à m'appeler s'il y a un problème. Et c'est le seul Dan qui m'a appelé pour me dire bah, en fait, non, voilà, comme tu dis, je pense que c'est pas bien de faire ça. Ok. Parce que, voilà, moi, plutôt que de répondre techniquement à une séquence ou à me conformer à une séquence, je préfère donner un univers musical et ensuite, on aura tout le temps de poser et de faire que la musique soit bien conforme à telle ou telle séquence. Mais d'abord, la première chose, ça va être un travail plus pictural, de dire, est-ce que ça, c'est la musique de ton film ? Est-ce que tu vois ton film là-dedans ? Et je trouve ça vraiment une meilleure approche, parce que du coup, on n'est plus dans le regard technique et la résolution technique d'une séquence. On est vraiment on ferme les yeux. Est-ce que voilà, l'univers musical qu'on nous propose, est-ce qu'on entend le film à l'intérieur de ça ? Est-ce qu'il s'articule dans notre tête ? Et puis si c'est oui, bah, c'est que c'est le film a trouvé sa musique. C'est Billie Eilish qui est fan de The Do, c'est ça ? C'est qui ? Ouais, c'est ça. C'est hein. ça, ouais, incroyable. Il va peut-être nous faire revenir The Do sur le devant, finalement, en étant fan, j'imagine. Je sais pas, c'est, j'ai entendu hein, sur son Twitter, enfin, elle en parle pas mal de The Do, donc on sait jamais, peut-être un retour de The Do. Pascal, c'est toi qui as la parole, tu nous proposes Arise Sun, on t'écoute. Alors oui, Arise Sun, c'est un titre composé par Robert Levon Bean, qui fait partie du groupe Black Rebel Motorcycle Club, que je ne connais pas, j'avoue, mais c'était pour situer. Qu'on voit notamment très parlant, je crois qu'il y a un morceau dans Nine Songs de D'accord. Michael Winterbottom, ce film un peu particulier avec des gens qui font l'amour tout le temps, et des morceaux de rock dont Franz Ferdinand. D'accord. Et c'est voilà, moi j'ai découvert cet artiste avec le film Card Counter, qui est pour moi une des plus belles BO de l'année dernière. C'est avec celle de Ungaku et Annette, pour en citer deux autres. C'est un film vraiment lugubre, avec étrangement des moments solaires dans les relations entre les personnages notamment. Et le titre que j'ai choisi reflète un peu cette dichotomie, car malgré la tonalité très sombre du morceau, il chérit quand même ce pouvoir que peut avoir la musique rock d'élever des moments plus sombres, d'accompagner nos émotions. Et dans le film, en fait, Oscar Isaac joue un joueur de poker qui est sorti de 10 ans de prison pour avoir commis des actes atroces à Abu Ghraib, donc rien de très noble. Et il croise un jeune homme qu'il va tenter de sauver de ses pulsions de vengeance. Mais bon, comme le film est un film de Paul Schrader, ça ne va pas se passer de manière très positive. Il y a toujours ce côté cinéaste nihiliste, désespéré, avec des personnages en quête de rédemption et en quête de rédemption qu'il peine à atteindre. Donc, voilà. C'est un film humaniste avec très beaux personnages et une musique hypnotisante, envoûtante. C'est un vrai bonheur de la réécouter, encore. Enfin, il y a de très beaux morceaux. Merci Pascal. En plus, j'avais pas vu que c'était Paul Schrader, donc je vais regarder The Counter Card. Allez, on écoute Nicolas, s'il te plaît. Donc, Arise Sun, merci. Started, holding down until love's exalted. Antenne, merci. Heureusement que Nicolas nous dit antenne. Je pense qu'un jour, Nicolas, tu pourrais t'amuser à ne rien dire, à nous mettre à l'antenne comme ça et qu'on continue. Ouais, non, parce que lui, il est vraiment nul. Hein. Non, c'est vraiment, etc. Ça sera, c'est pas bien de faire ça. Faut pas le faire, Nicolas. Mais c'est vrai que je pense que ça pourrait être drôle de s'amuser. Vous êtes toujours, bien évidemment, sur Radio Libertaire. Bulle de rêve, l'émission cinéma d'animation. Enfin, cinéma d'animation. On va un peu évoluer ça. La question piège. Oui. Alors, faut que je te la fasse, parce que sinon il y en a quelqu'un qui va la faire avant. Tu avais fait un très beau discours sur l'animation au César quand tu l'avais reçu. Tu n'en rappelles plus, hein, ça te semble bien. Non, mais juste, c'est ce que tu dis, l'idée c'est de ne pas se laisser cloisonner tout, hein, pas forcément par d'autres dans quelque chose et se dire après tout, je peux aussi faire de la prise de continu, puis pourquoi pas revenir à l'animation après, puis revenir, enfin voilà, et de faire du cinéma sans justement apposer derrière animation, prise de continu ou quoi que ce soit. Ouais, alors moi, c'est vrai que là, j'ai mon prochain film, donc c'est là où tu veux m'amener. Ça sera un film en prise de vue réelle, oui. Donc, tournage d'ailleurs est cet été, prévu cet été. Y a un petit peu d'animation dedans quand même, mais c'est avant tout un film en prise de vue réelle. Et sinon, c'est quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'après J'ai perdu mon corps, j'ai cette opportunité de pouvoir. Qui est un film qui est quand même J'ai perdu mon corps assez. Dans le langage assez proche d'un film en prise de vue réelle aussi. Il y a quand même des enfin, c'est pas une aberration de faire des rapprochements dans l'utilisation de la caméra, dans le ton, peut-être. Voilà, c'est quand même quelque chose où on peut trouver. Voilà, c'est pas un film cartoon, donc il y a forcément un langage qui est aussi celui de la prise de vue réelle. Donc c'est assez logique que derrière que je puisse proposer quelque chose en prise de vue réelle. C'est quelque chose qui m'excite, qui me fait peur aussi, et qui est pas non plus forcément une étape. Au-delà de l'animation, c'est-à-dire je ne considère pas que c'est un cheminement pour aller vers quelque chose de mieux. C'est vraiment, moi, toujours dans une volonté de chercher, je dirais, à me confronter à un médium différent qui va m'ouvrir des choses un peu différentes, qui va certainement enrichir aussi ma vision de l'animation derrière. Ça va m'apporter quelque chose qui, j'espère, parce qu'après, je considère que je vais refaire de l'animation. Enfin, je dis ça aujourd'hui, ça se trouve. Je sais pas du tout. Il va faire du théâtre après, on va voir, mais. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a il y a peut-être une crainte comme ça de trop coller à ce qu'on attend de moi, ce que les gens peuvent attendre de moi sur un prochain film, et du coup de faire quelque chose de différent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que je trouvais ça intéressant, je sais que ça m'a. Je comprends quand tu dis ça, parce qu'il y a tellement peu de films, mais quand certaines personnes me disaient, c'est enfin du cinéma, j'ai perdu mon corps, j'ai non, Jean-François Ligoni en faisait, etc. C'est un style de cinéma qui est extraordinaire, enfin voilà, moi que j'aime beaucoup, mais c'est un style de cinéma, et en fait, l'idée, c'est de se dire justement, et peut-être que les deux films, on pourra les lier, J'ai perdu mon corps, et donc ton film qui va arriver, c'est que d'un seul coup, c'est juste dire, il réalise, c'est un réalisateur qui ne se pose pas forcément la question de la technique, mais plus des émotions, plus de l'histoire, plus de comment je vais mettre ma caméra. Si tu mettais une caméra ici, bah où est-ce qu'on va la mettre pour filmer ce que tu as envie de mettre? Je sais pas, il y a peut-être justement brisé cette espèce de frontière qui est entre les deux. Oui, qui est juste une frontière technique. Ouais. Oui, bah du coup, si je veux être cohérent avec le discours que j'ai eu et que j'ai depuis toujours sur l'animation, savoir que c'est qu'une technique, bah mon envie, moi, c'est du cinéma et je peux passer d'une technique à l'autre et c'est ça qui dicte un peu, moi, mon parcours. Et donc, c'est pour ça que là, arriver sur un film en prise de vue réelle, Voilà, moi j'ai jamais fait des films d'animateur. Pour moi, j'ai fait des films, même mes courts-métrages, c'était des films, et j'ai pas considéré que c'était des films d'animation. C'est d'abord des films. J'ai aucune honte à dire que c'est en animation. Au contraire, j'en suis fier, mais voilà, j'ai l'impression que le fait de pouvoir passer, et d'ailleurs de l'animation à la prise de vue réelle, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau finalement. On voit beaucoup de réalisateurs de prise de vue réelle qui s'essayent à l'animation. Beaucoup moins, je ne sais pas, en tout cas, on encourage peut-être moins ceux qui viennent de l'animation à faire de la prise de vue réelle. Peut-être pour des raisons légitimes, mais il y a beaucoup de gens très connus qui ont commencé par l'animation, comme Michel Gondry, Brad Bird, Terry Gilliam. Voilà, qui ont d'abord fait de l'animation, après pour faire de la prise de vue réelle. Un réalisateur moins connu, mais évidemment que Nicolas connaît bien, enfin en tout cas dans son cinéma, parce que je pense qu'il est mort avant que Nicolas puisse rencontrer, qui est Valérien Borowczyk. Valérien Borowczyk, c'est un grand réalisateur, Théâtre de Monsieur et Madame Cabale, qui était. Et il y a une interview à un moment donné dans les Quais du Cinéma, en plus de Jacques Rivette, je crois, qui est intéressant. Il a fait les deux, il a fait l'animation, il a même été jusqu'à l'érotisme, la pornographie à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on lui pose la question, il dit alors qu'en fait, quelles sont les différences quand vous faites de l'animation et qu'on fait de la prise de vue continue? Comment, en gros, vous changez? Est-ce que vous faites des choses? Et dit, moi, je fais du cinéma, que je fasse de l'animation et de la prise de vue continue, c'est la même chose. Toi, c'est pareil, t'écris ton scénar là. Alors, c'est un peu différent parce que J'ai perdu mon corps, c'était une adaptation, mais tu t'en es pas mal éloigné, on va dire. Là, ça va être un scénar original. Il y a des choses que tu fais différemment ou non? T'as l'impression d'être plus ou moins dans la même, pour l'instant. Hein. Le tournage sera forcément différent, mais là, dans la partie créative. Non, je pense que c'est un peu le même procédé. Je vais plus loin dans le scénario parce que je sais que c'est un peu le document. C'est le seul document qui va exister avant le film. Alors qu'en animation, on a encore l'étape d'écriture du storyboard derrière, donc on sait qu'on peut améliorer des choses là. Donc là, j'essaye d'être plus exigeant sur le scénario, de me blinder là-dessus. Évidemment, il y a une dimension contrainte physique que je ne peux pas ignorer. Par rapport à l'animation, où là, on peut un peu se permettre de plus de choses en termes de décor et tout ça. On ne met pas les contraintes au même endroit. Là, en prise de vue réelle, j'essaie quand même de même si je n'ai pas l'expérience de tournage, j'arrive aisément à me dire qu'un plan avec une foule, ça va me coûter beaucoup de mon budget. Donc, je ne fais pas n'importe quoi. En animation, il se trouve que ça coûte cher aussi. C'est un mauvais exemple. Mais voilà, donc il y a des logiques de lieu que j'essaie de respecter plus qu'en animation, parce qu'évidemment, le réel est beaucoup plus présent. Mais j'ai l'impression que même le film là que je fais pour de la prise de vue réelle, que j'ai écrit, pourrait très bien être fait en film d'animation aussi. Alors, ouais, Antoine. Non, tu disais qu'il y avait un potentiel retour à l'animation. Est-ce qu'il y a un potentiel retour aussi vers la forme courte, ou ça t'attire plus maintenant que t'as goûté le long? Non, ça m'attire toujours. C'est juste que la quantité de travail que ça demande, et le court métrage est intéressant, je trouve, quand l'auteur est impliqué dans la fabrication aussi. Et m'impliquer dans la fabrication aujourd'hui, ça serait fermer la porte à peut-être à des productions plus ambitieuses sur lesquelles je pourrais m'engager, ambitieuses pas qu'en termes de finances, mais aussi en termes de rayonnement, de même d'expérience pour moi. J'ai l'impression que le court-métrage, voilà, j'ai fait quatre films de court-métrage, j'ai un peu connu ce que j'avais à connaître dans le court-métrage. Si j'en faisais d'autres, il faudrait que ce soit dans un style peut-être moins narratif, que ce serait vraiment pour apporter une prise de risque, pour avoir une prise de risque là-dessus. Et je ne sais pas si j'en ai le temps en vrai, donc je préfère consacrer le peu de temps que j'ai devant moi. Je suis encore jeune, mais bon, ça part très vite. On a l'impression que oui, c'est ça que tu es en train de dire. Bah, on ne sait pas, j'ai plus beaucoup de temps en ce moment. Je ne sais pas si tu as ce sentiment, mais oui, on a l'impression que si on a des choses à faire, il faut les faire vite. C'est sûr. Donc, voilà, je me concentre sur les opportunités aussi que j'ai, et c'est vrai que c'est plus sur des formes plus longues. Quel dommage, ça fait des années que je l'embête. J'aimerais voir un film abstrait ou expérimental de Jérémy Clapin. Je pense que ça serait intéressant. Nicolas, tu voulais dire quelque chose? Oui, simplement par rapport à ton nouveau film, on n'a pas trop parlé de ce qu'il racontait. Est-ce que ça va être un film de genre, ou est-ce que ça va toucher à la question des genres? Qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui que tu peux dire sur ce film sans que ça soit dévoilé trop de choses? Je peux te donner le titre, qui va changer certainement, qui s'appelle Pendant ce temps sur Terre. Et non, c'est un film fantastique. Je peux te donner des chiffres aussi à la mode. Il va y avoir à peu près 23% de fantastique. une soixantaine de réalistes, à peu près 5% de gore. Non, il n'y a pas du gore, mais il y a quand même du... Non, il n'y a pas du gore. Non, il n'y a pas de gore. Enfin, il n'y a pas de gore, je pense pas. Pas pour l'instant. Dommage. Non, non, voilà, c'est à peu près tout. C'est un équilibre comme ça entre réalisme et fantastique. Mais un peu comme dans mes autres films, je dirais, il y a toujours une intrusion du fantastique dans un environnement réaliste et qui interroge un peu la réalité. Voilà, donc on est dans quelque chose de. Comme ça, voilà. C'est à peu près tout ce que je peux dire. C'est très maigre. Hein. On va essayer d'en savoir juste un petit peu plus, non pas forcément sur le film, mais sur comment faire. T'as deux films qui sont, on va dire, il n'y a pas de parole, mais Deskizen, il y a Julien Boisselier, il y a un acteur fort derrière, et la voix amène énormément au film. On aura ça évidemment dans J'ai perdu mon corps. Là, te retrouver devant des acteurs et actrices en chair et en os, le fait d'avoir fait ça avant, même si pour J'ai perdu mon corps, il y a eu un petit tournage quand même qui a été fait, mais le fait d'avoir fait ça, ça te rassure, ou il y a quand même cette espèce d'angoisse de se dire, je vais me retrouver devant une caméra, même à côté, et devoir dire, ok, alors c'est peut-être qu'il va forcément y retourner, c'est bon, mais de se dire, et d'un seul coup de devoir dire, ok, on va peut-être la refaire, parce que c'est quelque chose que tu peux dire aux animateurs et animatrices, mais pas forcément pour l'instant aux acteurs. Comment tu vois ça ? Ouais, plutôt bien, j'essaie de me préparer quand même pour, à ça. Après, je sais que ce qui m'intéresse, c'est de m'entourer de gens aussi compétents. Je pense que la composition de l'équipe est assez déterminante à ce moment-là. Donc je dialogue beaucoup avec les futurs chefs de poste. Ils savent d'où je viens. Voilà, j'ai forcément, moi, du côté de l'animation, mon film est découpé. J'ai commencé à déjà travailler peut-être plus davantage que la plupart que beaucoup de réalisateurs français. En tout cas, ça se fait pas tellement en France, le storyboard. Donc les gens sont surpris quand j'arrive avec un storyboard. Je sais aussi que moi, je veux sortir un peu de ce contrôle-là. Si je fais de la prise de vue réelle, c'est pas non plus pour contrôler tout comme en animation. Donc j'invite aussi l'inattendu, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de trouver, accompagné de mes équipes, que je vais pas faire tout seul, c'est sûr. Et après, dans la direction d'acteur, ça me fait pas trop peur non plus. J'ai pas non plus une foule d'acteurs à diriger en même temps. C'est quelque chose qui me fait pas très peur, en fait. Et Antoine, ouais. Et tu dis que tu te prépares, tu fais comment? Tu discutes avec les autres gens, ou est-ce que tu lis aussi ou écoutes d'autres réals sur la façon de travailler? J'écoute énormément, ouais, je regarde des choses, je lis, j'écoute, je lis des bouquins sur l'approche de ce métier-là, dans toutes les cases de ce métier. T'as été sur des tournages? J'ai visité deux tournages, ouais, de Fabrice Duveitz, un belge, franco-belge. En belge, je sais pas, je crois que je le demande. Et Jean-Pierre Jeunet aussi, je suis allé sur son tournage. Donc c'est un cinéma très différent. Les deux étaient très différents. Cinéma vraiment beaucoup plus du réel, beaucoup plus dans l'improvisation pour Fabrice, et puis beaucoup plus maîtrisé dans le studio pour Jean-Pierre Jeunet. Mais c'était, voilà, à chaque fois, c'était assez marrant de voir deux méthodes de travail complètement différentes. L'une très très contrôlée et l'autre beaucoup plus libre. Voilà, moi, peut-être je serai un peu entre les deux. Voilà. Comment on fait un casting autant qu'on est animateur? T'es comme, voilà, tu peux regarder, tu peux dire, bah tiens, c'est eux. Comment on fait un casting d'un chef-op? Comment on fait un casting d'un preneur de son? Enfin, je sais pas, comment on fait ça? C'est une rencontre, d'abord, il y a un feeling entre nous. Ensuite, il faut choisir quelqu'un, évidemment, qui a un endroit dans sa trajectoire professionnelle qui fait un peu sens avec la mienne, c'est-à-dire qui a envie aussi de découvrir quelqu'un qui est peu expérimenté, mais qui a une envie aussi un peu différente de cinéma. Voilà, faut que tout ça se... Si je prends quelqu'un d'hyper expérimenté, je sais pas, qui a vraiment une longue carrière, peut-être que c'est pas la bonne personne pour moi. Faut peut-être que j'invite quelqu'un qui est plus dans... qui est en train de faire sa carrière et qui a peut-être l'intérêt d'aller vers... qui est peut-être plus disponible pour moi à ce moment-là. Donc il y a des rencontres un peu comme ça. T'avais été surpris sur J'ai perdu mon corps, on peut le dire, c'était il y a longtemps maintenant, que certains animateurs, animatrices avec lesquels tu travaillais, d'un seul coup, connaissaient pas forcément ton travail, et plus que connaissaient pas, ça peut arriver, n'avaient pas eu la curiosité, même dire je vais travailler avec un tel, bon, je vais regarder quand même les films qu'il avait fait. Ça, c'était une surprise, je pense, déjà... Ouais, c'est là où tu vois d'ailleurs la différence entre la prise de vue réelle parce que, et l'animation. En prise de vue réelle, un acteur qui va tourner pour un réalisateur, je pense, dans 100% des cas, a déjà vu au moins un ou deux films du réalisateur avec qui il va tourner. Sinon, je comprends pas. Et là, c'est vrai qu'au début, les animateurs, le premier jour de tournage, on peut appeler ça comme ça, en animation, premier jour de travail, ils n'avaient absolument pas vu les films que je faisais, donc les films du réalisateur pour lequel ils devaient travailler. Donc ça va, et oui, c'était des courts-métrages qui étaient visibles sur le net très rapidement. Tu tapes mon nom, tu vois les courts-métrages. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça a quand même trahi quelque chose dans l'industrie de l'animation, qui est faut quand même bouger un peu ça, quoi, pour faire des choses différentes. Sinon, en fait, ils considèrent que ils ont un outil et qu'ils vont animer exactement de la même manière qu'un autre film d'animation qu'ils ont fait la semaine dernière, sans savoir qu'on peut animer de manière différente selon la sensibilité du réel ou de l'histoire, etc., quoi. Là, tu ressens des choses un peu différentes avec les gens que tu rencontres, des gens est-ce qu'ils ont vu J'ai perdu mon corps, est-ce qu'ils t'en parlent un petit peu, est-ce que tu parles de les chefs op, les acteurs, les actrices que tu as pu rencontrer. Ouais, forcément, ils ont vu j'ai perdu mon corps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils répondent à l'appel et tout ça. Il y a une envie de, il y a un challenge aussi de d'accompagner quelqu'un qui pour son premier film. Forcément, un espace qui va être peut-être plus grand aussi pour eux, donc ça les intéresse aussi. Donc non, il y a... Après, voilà, l'équipe n'est pas encore complètement verrouillée, donc tout ça est en train de se faire. Et donc un peu plus de cinéphilie, peut-être, du côté la prise de vue qu'en animation. Disons oui, là, il regarde beaucoup plus ce qu'a fait le réal. Mais bon, après, c'est différent. Je suis pas au même endroit que j'étais aussi au début de J'ai perdu mon corps. Je suis un peu plus lisible que je l'étais, enfin, plus visible qu'avant, quoi. On en reparlera parce que c'est quelque chose qu'on a. Je sais qu'on a absolument envie d'en parler, Bulle de rêve. C'est quand même, malgré tout, moi je le pense, enfin on le pense, on est beaucoup, hein, cette espèce de manque de curiosité cinéphile, si pour le cinéma, et pas pour l'illustration. Par contre, comme je dis toujours, les gens connaissent en animation des tonnes et des tonnes d'illustrateurs, d'illustratrices, ça n'y a pas de problème, mais en tout cas sur le cinéma, un peu moins. Là, tu pars pour le tournage, on espère, donc en cet été. Ouais, le montage à la suite, ce qui fait que le film est quoi, terminé pour Cannes 2023 c'est toujours ce qu'on prévoit, ouais, effectivement. Ça paraît très court, mais on va faire. Non, mais donc ça veut dire. C'est un changement, on parle du temps. Ah oui, quand on se dit d'un seul coup, j'ai passé 7 ans, et que d'un seul coup, on se dit, oui, putain, je peux tourner là, finalement, cet été, je peux faire le montage, et que finalement, mon film pourrait être à Cannes, ou en tout cas dans un grand festival, juste dès 2023, ça. C'est un peu flippant. C'est quand même du boulot, mais c'est sûr que ça fait rêver, quoi. Et juste pour l'animation, commencer l'écriture à quel moment? J'ai commencé au retour des Oscars, donc c'était en février 2020. En fait. Ouais, premier confinement. Oui, donc c'est vrai que ça mettra même pas 3 ans pour. Être fait du début de l'écriture. Ouais, le confinement finalement est tombé comme une résidence d'écriture pour moi. Comme quoi, des fois, c'est pas mal. Bon, alors, on n'aura pas forcément... on pourra peut-être pour les 8 minutes d'animation qu'il y a dans le film, tu pourras revenir avec les gens qui animeront et on parlera juste des 8 minutes d'animation en disant, je sais pas si vous avez vu le film, non, j'ai vu les 8 minutes qu'on découpera. Non, mais merci beaucoup en tout cas d'être venu, de nous avoir donné tout ce temps. On a hâte. C'est intéressant, ça va être un vrai beau challenge et je le dis en direct parce que c'est plus facile et j'ai déjà dit, non, mais je pense qu'il y a des réalisateurs, des actrices qui peuvent passer, moi en tout cas je le pense, ce passage entre l'animation et la prise de contenu. Je pense que toi, t'es l'une de ces possibilités-là et c'est pas évident, forcément. Passé, c'est rigolo. Genre, on a parlé avec Florence Mihai pendant l'animage, justement. Et Florence Mihai disait, qu'est-ce que j'ai pas envie, moi, de passer à la prise de vue continue. Et c'est vrai que je suis pas sûr qu'elle pourrait passer à la prise de vue continue. Dernière question, parce qu'on va parler d'animage juste après la pause. Tu étais anima, tu nous parles un petit peu. Jury, tu aimes bien faire le jury, tu aimes bien. Déteste faire le jury. J'aime beaucoup la semaine qui précède la décision du jury, mais le jour où il faut choisir, je regrette d'avoir dit oui. Souvent, parce que c'est pénible de devoir devoir choisir et puis ça c'est toujours un peu compliqué pour moi, mais non j'adore Réanima, c'est un festival, j'y vais depuis mes premiers films et j'étais heureux de voir que voilà, ça évolue évidemment avec l'époque, mais malgré tout c'est la même ambiance et on croise tout le monde au même endroit, au restaurant on peut côtoyer vraiment tout le monde assez simplement. Donc ça m'a fait du bien aussi, parce que on sort d'une période aussi où les festivals, il n'y en avait plus trop. Et d'un coup, ils étaient tous en ligne, et ça, je supporte plus. Enfin, moi, je n'arrive plus à voir des choses en ligne comme ça, je deviens vraiment très feignant. Et là, voilà, j'espère quelque chose qui va... Enfin, il paraît que ça reprend, là. voilà, on va dire que maintenant c'est fini et que on va retrouver un peu voilà, le goût de voilà de croiser des gens, de discuter, c'est quand même autre chose que sur un Zoom quoi. On va essayer d'y croire. Voilà. Merci beaucoup Jérémy. Ouais, merci. Antoine, on va laisser partir, mais avant que on va le faire pendant la pause. Antoine, je vais partir pendant la pause. Vous ne m'entendrez pas partir. Voilà, on va le faire plus tranquillement, mais tu peux dire, je sais pas, on a tout dit, non? Tu voulais dire autre chose, un petit bonjour à quelqu'un? Non, je suis ravi d'être là. Bonjour. Non, j'ai pas pensé à ma petite dédicace. En tout cas, merci. On est vraiment ravis que tu sois venu, tout ce temps-là. Je sais qu'en ce moment, tu en as besoin. Et donc, merci beaucoup à toi. Et on va faire une petite pause musicale avant de parler d'Anima et de voir les tontons flingueurs, Nicolas Tiste, nous parler du cartoon movie et nous parler de trois projets qu'il a détestés, mais quand même de projets qu'il a bien aimés, dont peut-être Darling de Kate Forzani, qui font l'inverse que toi, qui passe de la prise de vue continue à l'animation. Et c'est Antoine qui nous propose un petit 5 minutes de repos. On va écouter un morceau d'un bassiste jazz, qui navigue entre le jazz et la fusion, qui s'appelle Étienne Bappé, avec son trio Neck Plus. Que j'ai eu la chance de découvrir sur la scène de l'anniversaire du Sunset Sunside. Et voilà, j'avais envie de vous partager un morceau qui est assez solaire, comme ce bassiste, que je vous conseille vraiment si vous avez l'occasion de le découvrir en live, parce que ça décuple l'énergie. Il y en a déjà beaucoup sur album, mais ça décuple l'énergie dans une salle. Donc Nicolas, on va écouter No Woman No Smile. En effet, j'ai regardé, Antoine m'avait envoyé, il y a une version live et vous avez même tout un live complet d'1h20 de lui sur internet. On écoute ça et on revient après. Merci beaucoup Nicolas. Thank you. Pascal, tu veux dire ce que tu disais, la méchanceté que tu disais sur hors antenne? Je sais pas, j'ai oublié. En plus, on l'a déjà dit, c'est plusieurs fois. Enfin, des méchancetés sur Zabou, on en a souvent dit. Hop, pardon. Donc, Anima, tu as regardé, toi, j'en parlerai un tout petit peu du point de vue, puisque j'ai eu la chance d'y aller aussi, mais toi, tu l'as vu en ligne. Oui, donc. Je valide totalement ce que disait Jérémy Clapa sur le fait que c'est insupportable. Enfin, ça devient pénible de regarder des festivals en ligne, surtout que de ne faire que ça. Moi, l'idée de compléter un festival en présentiel avec en ligne pour rattraper des choses, ouais. Oui, mais faire que ça, moi, j'ai fait ça pendant deux semaines, c'est un peu épuisant. Et c'est un peu épuisant, mais il y a quand même quelques films que tu as retenus donc en ligne et que tu as bien aimé. Oui, heureusement. Alors déjà, la partie que j'ai préféré visionner, c'est la partie de la nuit animée, parce qu'il y avait un côté ludique, divertissant, oui, un peu futile, mais pas de manière dénigrante, c'est pas de bons sentiments, enfin un truc, des choses juste pour dire, juste pour dire la nuit animée, hein, juste très rapidement, c'est une nuit donc pendant Anima où il y a tout un voilà, les gens s'habillent de manière un peu excentrique, enfin comme ils ont envie, un peu délirante comme ça, et c'est toute une nuit plutôt de choses politiquement non correct, mais quand même un petit peu, voilà, qui part dans équivalent à un petit what the fuck, complètement, sauf que c'est toute une nuit, voilà. Oui, mais c'est un peu ça. C'est des films courts aussi, donc ça. Oui, ou des fois des. Ouais. Et plutôt avec une bonne dynamique. Alors par exemple, j'ai retenu L'Immoral de King Coca, qui est loin d'être parfait, mais c'est un peu attendu. Hein. Il y a un homme qui s'effondre dans un restaurant. Est-ce que tu peux raconter ce film-là? Est-ce qu'on peut raconter ce film-là sans finalement dire son propos? Sans finalement, voilà. Son message, oui, ouais, qui est un peu asséné. Mais c'est aussi bien de rappeler que. Il y a toujours des personnes, quand des personnes agissent mal, elles voient une autre personne qui agit mal, elles oublient elles-mêmes qu'elles ont mal agi et accablent cette première personne. Et donc, il y a aussi bien de le rappeler. Mais alors, j'essaie de trouver dans les choses que j'ai vraiment bien aimées dans cette nuit. Il y a Very, Very Gripping Story de Trevor Hardy qui fait à peine de 1 minute 30, 2 minutes, pas grand maximum. C'est un vieil homme qui raconte une histoire à son petit-fils et il lui assure qu'il va adorer son histoire riche en suspense, en mystère. En fait, ce que le grand-père raconte à son petit-fils, c'est lui et sa femme se disputent. Elle décide de partir, ils se disputent pour ne rester. Enfin, voilà, c'est une bagarre de couple. Et il finit par lui couper la tête. Et donc, il dit à son gamin, tu vois, je t'avais dit que tu allais adorer. Et tu vois la tête du gamin. Il y a des petites choses comme ça, d'arrêt sur image, d'échange de regards qui m'amuse toujours. Il y a beaucoup de films comme ça dans la nuit animée qui étaient comme ça. Je ne sais pas du tout ce que raconte ce film, en fait il ne raconte rien. C'est Big Crunch de Julia Farkas. C'est des animaux étranges qui font des choses étranges, comme un trip LSD un peu. Ce sont 2 minutes là encore qui n'ont aucun sens. Et ça fait toujours plaisir, en fait, de voir des films qui n'ont aucun sens, qui te prennent, qui t'amusent, C'est là où on se rend compte qu'en ligne, c'est encore mieux quand c'est plus court et quand c'est encore plus délirant parce que ça. Ça fait du bien de voir oui, ça. Oui, ouais, c'est notre dynamique. Ou alors, il y a un personnage assez débile aussi qui s'appelle Nick Bird. C'est dans Birder de Charlie Hunkin. Et Birder, ça veut dire meurtre d'oiseau. Bird, murder. Donc voilà. Et ce personnage est tellement débile qu'il s'appelle Nick Bird. Il a changé son nom pour s'appeler Nick Bird, sauf qu'au départ, son nom était Nick Bird. Et quand on lui a fait remarquer que c'était un peu bizarre, lui, il n'a pas compris. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Tu vois un pigeon qui en étrangle un autre et... donc il y a un petit côté fenêtre sur cour dans la manière dont ce personnage assiste à un meurtre et tout d'un coup ça m'avoir peur des oiseaux et donc voilà, c'est des choses un peu plus légères, sinon dans des choses un peu plus conséquentes. Alors c'est là encore une histoire assez classique, un conte comme on peut déjà en avoir vu, c'est Les Deux Souliers de Paul Drisson, mais bon, c'est Paul Drisson, il y a comme un sens de la narration, il y a une belle image, c'est très classique, hein, c'est une paire de souliers qui est récupérée sur un pendu et qui passe de main en main. De pied en pied. Oui, de pied en pied, c'est mieux. Pardon, mais voilà. On a été dans une paire du même. Voilà. Voilà, tout le monde est. Les gens qui, évidemment, les mettent aux pieds et non pas aux mains, il leur arrive des mauvaises choses. Et ça, c'est plutôt. C'est sans dialogue. C'est un conte assez basique, mais. Ouais, oui, c'est ce que Paul Drisson fait assez régulièrement sur ses contes qu'il fait et avec lesquels il joue un tout petit peu. Voilà. Et dans l'idée de graphisme aussi, il y a un bon, c'est plutôt dans les programmes étudiants. Il y avait Au revoir Jérôme, qui avec la voix de Jérémy Alkaïm à nouveau, qui c'est pas son premier film d'animation, Jeune fille sans main. Et là j'aime beaucoup le graphisme, ce qui est quelque part entre Marcel Jankovics et Yellow Submarine, donc dans les jambes des personnages, la manière de bouger. Après, l'histoire en elle-même est très classique, hein, c'est genre Orphée qui essaie de retrouver sa promise, sauf que en fait elle s'en fout et elle dit mais casse-toi, donc voilà. Non, mais pourquoi t'es venu? Maintenant que je suis morte, je me sens toi. Enfin, Ok, pas, donc c'est. Voilà, c'est quelques. Quelques films, il y en a d'autres aussi. Je suis repu aller sur les documentaires animés, mais des choses parfois très fortes. Mais avec le truc assez classique de témoignages mis en animation. Et. Qu'on voit beaucoup en ce moment. C'est très inégal, ouais. Parce que des fois. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Girls About Football. Le thème est intéressant, c'est. Comment elles se font traiter de garçons manqués, comment on leur dit que c'est un sport d'hommes. Ce que j'ignorais, c'est que jusqu'en 79, les femmes étaient légalement interdites d'en jouer au Brésil. C'était illégal. On souligne que le Covid a accentué les injustices salariales dans le monde du football pour les joueuses de foot. Mais le film ne dure que 7 minutes. Là, c'est un problème parce que c'est à la limite, tu en fais un long métrage documentaire où tu développes. Bon, après, là, c'est vrai que c'est un film d'étudiante, voilà. Enfin, c'est un film d'études, donc c'est vrai que c'est plus difficile, évidemment, de faire là d'un seul coup un format plus long. Mais du coup, en tant que spectateur, c'est frustrant. Mais c'est frustrant, en effet. Il y a en tout cas une demi-douzaine de témoignages. Comme beaucoup de documentaires animés, hein, qui posent un problème. On verra le Heimlich de Sawako Kabuki, qui, je trouve aussi, d'un seul coup, choisit pas forcément très, très bien, forcément, les témoignages. Donc on en reparlera un petit peu de ça. Moi j'avais deux coups de cœur que je voulais vous donner de cet anima. J'en ai pas vu beaucoup, hein, j'ai pas eu le temps d'en voir beaucoup, à part le plaisir en effet, comme on l'a dit, pour celles et ceux qui ont été à un moment donné, de rentrer au Flagey, qui est cet endroit d'anima. Il y a une odeur de gaufre, de crêpe qui est tellement agréable, et la bière pas chère, ça c'est pas mal aussi pour un festival. Mais c'est vraiment, et puis j'aime bien ces festivals où on peut improviser des choses et on n'est pas trop dans un cadre fini. Donc anima est un vrai bonheur. On remercie vraiment à chaque fois les deux directrices maintenant, qui ont remplacé Philippe Moins, qui a eu un prix d'ailleurs d'honneur pendant ce festival. Voilà, donc deux gros coups de cœur pour moi. Un que vous aurez la chance de voir dans la collection, dans la compétition jeunesse, s'il y en a qui vont à Annecy, qui s'appelle Luce and the Rock de Brit Race, et qui est juste tout mignon. En tout cas, oui, vraiment, c'est, alors au début, moi j'ai l'impression que ça allait m'agacer un peu. C'est une espèce de petit bonhomme comme ça qui rigole à peu, qui parle à peu, qui fait des petites onomatopées. Puis il y a un rocher, et en fait, on se laisse piégé par la mignonnerie du film, et au bout de 12 minutes on fait juste j'en veux à la maison, je veux la même peluche, enfin voilà, c'est trop mignon. Et l'un de mes coups de cœur est un film de Marco Remond qui s'appelle Kaline, que j'ai trouvé absolument bouleversant, sur un sujet très difficile, d'une jeune femme qui revient chez elle et qui revoit, sur un sujet qu'on va voir beaucoup prochainement dans des films, et qui est donc, a été abusée sexuellement par son frère, et elle a réussi à faire un film. Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça, je sais pas, qu'il n'est pas Annecy ou dans d'autres festivals, c'est que je trouve qu'elle a réussi à faire un film qui est d'une tendresse et d'une douceur par rapport à un sujet qui est pourtant super difficile et qui va pas du tout dans l'excès qui pourrait être, enfin quand j'ai dans l'excès évidemment, dans la colère et dans ce genre de choses, et elle fait quelque chose d'une douceur, tendresse qui est absolument extraordinaire. Et elle a réussi, Margot Remond avait déjà fait Si j'étais un homme, donc documentaire absolument passionnant avec des femmes il y a longtemps, hein, maintenant 6-7 ans, des femmes qui disent bah ouais, si j'avais été un homme j'aurais pu faire ça, alors que là comme je suis une femme je peux pas faire ça, avant toute une nouvelle, voilà, enfin c'est assez passionnant. C'est une réalisatrice qui est vraiment intéressante, qui tente plein de choses, et là Kaline est un vrai je dis, je comprends pas qu'il soit pas, alors on comprend pas toujours la même chose, hein, c'est toujours facile de dire on comprend pas tel film soit pas dans telle sélection, on sait que c'est compliqué, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un film qui alors voilà, et peut-être un film aussi de réconciliation, même si le film, voilà, et donc c'est un très beau film pour ça. Oui, je suis d'accord, j'ai vu aussi, et je le trouve vraiment beau sur la relation entre cette femme et son père aussi. Oui, en plus, tout à fait. Il y a un côté attendu dans le film. On peut dire, oui, qu'il y a un côté attendu dans le film. Le fait qu'il s'excuse, par exemple, qu'il va vers elle, qu'il lui parle, qu'il dit bah, j'ai raté un truc. Aussi, comment le couple des parents se sépare, c'est juste une scène. Et là, on comprend qu'ils se jouent un truc entre eux. Et la révélation de ce que tu parles, donc l'inceste, arrive un peu plus tard, mais on trouve étrange que le frère ne soit pas là, alors que dès le début, on évoque que c'est un lien fort, qu'il y a un lien fort entre les deux. Et donc oui, c'est délicat. C'est exactement ce que tu dis, il y a plein de plans qui sont attendus et qui sont se dire, qui des fois ne marchent, devraient pas marcher. Il y a, voilà, je vais pas vous dire, mais il y a des plans qui devraient pas marcher entre guillemets et qui pourtant marchent très très bien dans cette histoire. Ouais. Donc voilà. On... Et ça vient aussi du fait que les acteurs jouent bien, vraiment. Mmh, je parle pas seulement de la voix, mais aussi de la mise en scène, du dessin, de l'animation. Voilà, on fait jouer le visage, les mouvements du corps, et là, là, c'est de la mise en scène aussi. Complètement, on est d'accord. Donc voilà, Câline de Margot Remond. Allez, on va écouter peut-être pas les 3 minutes, parce qu'on va laisser quand même Nicolas nous parler du cartoon movie, mais c'est lui hein, qui a proposé ça. On va écouter, et peut-être que tu présenteras après, c'est peut-être plus rigolo d'entendre. Peut-être pas les 3 minutes, c'est un peu embêtant, parce que la fin est bien, mais qu'est-ce que t'en penses? On va peut-être écouter 1 minute, 32 minutes. Dike Reiko. D'un morceau qui s'appelle Don Scat. On écoute Nicolas. Vas-y Nicolas, on te laisse. Alors, ce que vous avez entendu, c'était Ike Reiko, qui est donc une actrice japonaise qui a aussi chanté dans les années 70 et qui était spécialisée dans deux genres, notamment les polars, et elle a joué dans les combats sans code d'honneur de Kinji Fukasaku, mais aussi dans les Pinku Eiga, c'était donc les films roses et films érotiques japonais de l'époque. Et elle a fait un album qui a été repris justement dans le teaser de l'un des grands projets de ce cartoon movie. C'est aussi pour ça, évidemment, que je vous ai passé cette chanson, qui est le prochain film de Kate et Forzani. Kate et Forzani, qui sont surtout connus pour justement leur Giallo. Donc, ce sont deux réalisateurs belges qui ont fait un peu d'animation, des courts-métrages d'animation, et qui sont venus à la prise de vue réelle en faisant essentiellement des films de genre. Là, ils l'ont rappelé au Cartoon Movie, qui était très apprécié, notamment de personnalités comme Tarantino et compagnie, justement, ce qui n'est pas très surprenant quand on les voit, et qui avait fait Amer, L'étrange couleur des larmes de ton corps, Laisser bronzer les cadavres, dans lesquels d'ailleurs le générique avait été fait par j'ai oublié son nom, l'un des grands animateurs qui joue avec le feu au Québec. Et des gravures sur pellicule, contemporain, c'est pas très grave. Ouais, j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. À part Steven Ocean, moi, tu sais. Donc là, leur film s'appelle Darling et c'est un revenge movie, donc en animation. C'est leur premier long métrage animé. Et c'est vraiment sur une peintre qui se fait attaquer et violer en rentrant chez elle, toujours dans ces espèces de grands immeubles de style art déco dont ils sont familiers justement, et qui va se venger pour se réapproprier son corps et son âme. Et il va y avoir des espèces de délires et des dédales psychologiques, labyrinthiques dans ces grands bâtiments qui rappellent vraiment justement les tranches couleur des larmes de ton corps. Et il citait évidemment beaucoup l'idée de faire de l'animation adulte avec des grands noms comme Satoshi Kon, etc. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça se ressemblera à du Satoshi Kon quand on voit le trailer, mais ça ressemblera vraiment à leur style et il y a un côté très animation japonaise qui peut être intéressant. Moi, je pensais davantage, par exemple, à la Belladone de la Tristesse qu'à Satoshi Kon. Non. Ah, parce que normalement, c'est leur principal. Mais je pense qu'au cartoon, c'était peut-être un peu gênant, ils se sont dit non. Et juste pour dire, c'est une adaptation d'un roman féministe québécois. Oui, de Harriet Demler. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et justement, avec quand même des grands animateurs qui sont déjà prévus sur le projet, comme Izu Troin, qui est habitué justement du cinéma d'horreur, ou d'un cinéma de genre justement en animation, et Fang Wei aussi. Felicity Atmos, qui a travaillé pour Wes Anderson notamment. Voilà. Et ils seront en mai au Forum des Images. Pour en parler un tout petit peu plus, pardon Nicolas. Ouais, non, pas de problème. Et puis, donc le cartoon movie cette année a aussi été le grand retour d'un. On a vu des gens en vrai, ça faisait du bien. Et vraiment, tous les gens avaient l'air vraiment contents d'être là et surtout de pouvoir voir des projets qui avaient l'air vraiment. Enfin, qui étaient passionnants pour ceux qu'on a pu voir. Parce que malheureusement, on en rate toujours puisqu'il y a deux projets en même temps qui sont présentés. Alors, j'ai pas trop reparlé des projets qui sont très attendus et qui sont déjà passés. Notamment Mars Express de Jérémy Perrin qui est très attendu. D'ailleurs, ils n'avaient pas grand chose à dire. Ils ont déballé tout le matériel technique qu'ils ont utilisé sans dire autre chose de leur film. Mais on l'attend normalement peut-être prêt pour l'année prochaine. Ou alors Unicorn Wars, dont on a pu voir le premier quart d'heure, donc d'Alberto Vasquez, qui donne vraiment très envie avec les nounours versus les licornes. Et vraiment, je pense que ça peut être quelque chose de très réussi. On va plutôt parler justement, notamment par exemple, de trois autres projets. Et là, c'était cette année l'année de Sébastien Onomo. Sébastien Onomo, qui est le producteur notamment des films d'ici et aujourd'hui davantage de Special Touch, qui est son studio, et qui était venu avec trois projets qui étaient d'ailleurs particulièrement intéressants. Le premier qui est un film de Ronnie Autain qui s'appelle Sidi Kaba. Et Sidi Kaba, c'est justement une histoire qui est faite davantage pour un public enfantin et avec justement un enfant de 8 ans qui va rechercher son frère qui a été fait prisonnier par des marchands d'esclaves et qui va l'amener justement de l'Afrique jusque aux Antilles notamment. Et donc on a vraiment ce sujet qui est abordé ici de manière assez intéressante, frontale et justement avec aussi un regard enfantin. Moins enfantin et aussi passionnant, il était là pour présenter le prochain film d'Anka Damian, donc Starseed, qui a l'air totalement foisonnant et totalement fou aussi, un petit peu comme ses prochains films. On se demande toujours comment elle va réussir à les faire, mais elle les fait, on n'a aucun doute, donc ça devrait marcher. Et qui va, donc ça va être un film qui se passe en Afrique sur un sujet justement relativement sensible avec une jeune fille albinos le fait qu'elle va, donc elle vit avec sa grand-mère vient de mourir, elle était très proche, les esprits lui apparaissent, il y a vraiment quelque chose de mystique comme un petit peu chez Anka Damian qui nous avait déjà parlé un petit peu son rapport au mysticisme ici aussi et elle va être très moquée et elle va découvrir quelqu'un de mystérieux dans une forêt. Anka Damian ne nous a pas raconté trop la suite et elle va elle a fait déjà des repérages Zimbabwe, le film avance bien et ça devrait pas mal fonctionner. Et dernier film aussi qui a eu beaucoup de succès et que va coproduire Sébastien Onomo, c'est Melville. Donc Melville qui est l'adaptation d'un roman graphique qui a été fait par Romain Renard. Et elle va adapter, ils vont adapter le tome 3 de la bande dessinée. Melville, c'est une ville qui est totalement perdue dans un territoire qui est imaginaire, mais c'est vraiment une petite ville complètement perdue avec une énorme forêt autour qui peuvent rappeler les villes américaines, mais en même temps des villes françaises. Et en fait, on est vraiment dans un monde qu'ils veulent construire un petit peu entre deux, avec quelque chose autour du secret et de l'enquête. C'est vraiment un thriller qui est lié au passé, où en fait, le héros qui était dans cette ville quand il était jeune, donc pendant son adolescence, a vécu une tragédie pendant un été où il vivait ses premiers amours. En gros, son meilleur ami et sa copine sont morts dans un incendie. Il s'est toujours cru coupable de ça dans la forêt. Et il n'est jamais plus revenu. Il doit revenir 35 ans après parce que pour régler des affaires familiales, il revient. Et là, il se trouve confronté évidemment au père de la fille, au père au frère justement du garçon qui est mort aussi. Et ils vont essayer de découvrir des choses qui sont complètement enfouies dans les secrets de la ville. Et voilà. Et les premières images donnent vraiment envie de voir le film. C'est vraiment un film de genre thriller psychologique assez mystérieux et vraiment passionnant. Un autre film encore qui est très attendu et qui la présentation était réussie, c'est le prochain film de Rukua Hata et Max Porter, donc voilà, qui font un long métrage après Negative Space, qui s'appelle Porcelain Birds, qui est coproduit ou qui est produit pour le moment, mais je crois qu'ils cherchent un coproducteur par Miu, et qui va raconter l'histoire. Alors c'est inspiré très lointainement de la vie, d'une expérience en tout cas de Rukua Hata, qui est japonaise et qui est allée un an parce qu'elle avait eu une bourse aux États-Unis. Et là, elle va raconter l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui arrive aux États-Unis comme ça, sans connaître du tout les États-Unis, qui est assez seule, etc., qui va finir par se faire quelques amis quand même, et qui va apprendre. Et donc là, on arrive dans quelque chose qui est totalement différent, parce qu'on pourrait s'attendre à un petit film très mignon et très gentil. Et en fait, elle va apprendre que la personne qui fournissait la bourse, qui était un riche milliardaire américain qui habitait à côté du lycée dans lequel elle était, violait des enfants chez lui. Voilà. Et donc, il y a toute une histoire comme ça qui commence à arriver avec elle et un univers onirique aussi qui commence à s'embrancher. Qui ressemble un petit peu finalement à leur premier cours. Un petit peu. Où, où il arrive et puis c'est un serial killer. Enfin voilà, il y a pas mal de choses où on trouve donc un peu cet univers-là. Et puis, autre coup de cœur vraiment assez général du festival, du festival du Cartoon Movie, qui n'est pas vraiment un festival, mais voilà, donc qui était vraiment très très bien, c'est le Fallen de Louis Clichy. Et Louis Clichy qui a été auteur justement des deux derniers Astérix. Et j'avoue ne pas être un énorme fan des deux Astérix, mais là, le corset en français, Fallen le corset, était vraiment intéressant. Ça se passe dans un milieu rural dans les années 80, où en fait on est avec une famille de paysans plutôt archaïques face à l'agriculture qui commence à se moderniser, et l'agriculture intensive, avec un enfant justement qui a la tête qui a tendance à tomber tout le temps dès qu'il fait quelque chose. Et donc, il doit mettre un corset pour être maintenu. Et on va suivre l'histoire de cet enfant. Et c'est un film qui est fait en animation traditionnelle, vraiment avec des dessins qui ont l'air d'être assez improvisés, très légers, très doux. Et vraiment, ça donne particulièrement envie. C'est un film là qui est vraiment destiné à un public là aussi très enfantin. Il était présenté à l'état encore de concept. Donc, on espère qu'il se fera parce que c'est toujours les films les plus compliqués par rapport à ça. On peut encore parler d'un autre film assez intéressant, en tout cas j'en attends pas mal, même s'il était là en sneak preview. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un film qui s'appelle donc Nayola. Nayola, c'est un film dont personne quasiment n'avait entendu parler. C'est un film portugais qui est une adaptation d'une pièce de théâtre de Miyakuto, qui est l'un des grands auteurs lusophones, mais qui habite au Mozambique de ces dernières années, de la deuxième moitié du XXe siècle. Et en fait, Nayola avait été présenté, je me rappelle, une première fois au Cartoon Movie en 2015 ou 2016. Et ce film avait beaucoup marqué. C'est un film qui avait été présenté la même année que cet autre film sur la guerre d'Angola, là, qui est déjà sorti. La Jungle Rouge ? Non. Non, La Guerre en Angola, c'était le film de Damien Neno et Raoul de la Fuente. Oui, le film sur le photographe. Voilà, voilà. Donc, évidemment, je pensais qu'après que ce film-là soit sorti, Nayola n'aurait aucune chance. Et là, Nayola revient, il est totalement terminé. Et c'est un film qui suit justement trois générations de femmes dans les années 60-70. Under the Violence, non, c'est pas ça ? C'est pas grave. Donc en Angola. Et donc en fait, il y a une grand-mère, la mère et la fille. La mère part parce qu'il y a la guerre et que son mari est parti et elle veut retrouver son mari et la femme disparaît. Il y a la grand-mère et la petite fille. La petite fille, dans les années 70, grandit. Elle a 16 ans et elle devient militante, activiste pour les droits des femmes, contre la politique, etc. Elle devient rappeuse et chanteuse. Et elle va vraiment s'opposer à sa grand-mère par rapport à la question de ses parents. Et tout ça, vraiment, dans un Angola en reconstruction et qui essaye de se reconstruire. On est vraiment dans un film politique très intéressant. Et alors graphiquement, je ne suis pas séduit par les quelques minutes, mais par contre, thématiquement, je pense que ça peut être un très bon film. Réalisé par que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle José Miguel Ribeiro. Oui, José Miguel Ribeiro, qui est un très grand animateur. Ça m'étonne que tu ne connais pas. Il fait notamment du volume, qui avait fait un très beau cours de 20 minutes dans un train, etc. Et c'est un super. Je suis persuadé que tu le connais, mais t'as oublié d'avoir vu les films. Il a fait un voyage au Cap-Vert aussi. Et il avait fait un voyage au Cap-Vert, en effet. Beaucoup plus proche graphiquement de ce projet-là. Okay. Ça me revient. Et puis, une toute dernière petite chose, c'était là aussi. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'autres films. Hein. Par exemple, Flo, le nouveau Zint, Gil Balodis, qu'on attend beaucoup. Et puis aussi, le nouveau, par exemple, Ankama, Princesse Renette. Il continue avec les princesses après Princesse d'Aragon. Et ça a l'air toujours dans le même style, très joyeux, très joli, très mignon, et donc ça donne aussi envie d'être vu. Il y avait quand même vraiment pas mal de très très beaux projets cette année, et on a hâte quand même qu'ils soient réalisés. Merci beaucoup Nicolas pour ce grand retour sur Cartoon, le Cartoon Movie. Je voulais vous dire, parce que les 10 projets les plus, comme je disais tout à l'heure, sont à mon avis des projets pour enfants, c'est encore toujours cette problématique. Il est quasiment 19h, si l'autre émission est déjà là, Nicolas, on peut y aller, sinon on met juste un tout petit bout, mais on pourra couper de normalement ce morceau que je voulais mettre, qui était juste pour nous dire, allez, on va y arriver, de Princesse Chelsea, qui était aussi proposé par Nicolas et qui était Everything is going to be alright, hein, tout va être bien, on y croit un peu, mais si le générique de l'autre émission est prêt, enfin voilà Nicolas, je te laisse faire, merci beaucoup à tout le monde, à Jérémy Clapin d'être venu, merci à toi Nicolas, et on se retrouve dans un mois, bye bye.